Quand on est dictateur, on fait ce qu'on veut. C'est bien. Alors, pour commencer, je vous annonce sans rougir que j'ai rien foutu pour mon dossier sur Hilbert. Alors, j'ai ordonné à Johan de venir présenter son dossier sur le télescope avec un peu d'avance. Les autres ont râlé, alors je les ai tous virés pour une semaine, sauf Alan qui a pas osé râler de peur que je lui restitue sa dictature. Et j'ai une demi-heure de retard. Nous sommes le mercredi 16 avril 2014, vous êtes sur Dictatube Science et c'est l'épisode 171. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette émission ce soir, on a le dossier de Johan, donc qui revient, qui nous avait parlé des exoplanètes la dernière fois. Bonsoir. Une quote, le pitch de la semaine prochaine. Quelques plugs, et c'est tout. Un petit tour de table quand même, donc on a Alan à Lausanne. Bonjour tout le monde. Dernier sauveur de l'équipe officielle qui est là ce soir. Et puis on a Johan et Nico à Paris. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Et on a une surprise hors du commun, on a Pascal, le fameux Pascal de la chatroom près de Mulhouse en Alsace. Salut Pascal. Salut tout le monde. Bon, il parlera pas beaucoup plus parce qu'il est timide et il est chargé de s'occuper que la chatroom fonctionne à merveille. C'est bien conçu tout ça. En fait, on l'a sous la main. Si jamais la chatroom lâche, on peut d'emblée lui demander pourquoi, expliquer, tout ça. C'est ça, tout à fait. Bon, ben, du coup, à moins que vous ayez autre chose à rajouter, je pense qu'on va pouvoir attaquer avec le dossier de Johan sur les télescopes, surnommés « Plus c'est gros, mieux c'est ». Bonsoir. Donc, je vais vous parler de lunettes astronomiques et de télescopes pour l'astronomie. Donc, on va répondre à quelques questions. Quelle est la différence entre une lunette astronomique et un télescope? Un peu d'histoire sur comment c'est arrivé. Quelles sont les limites donc, de ces trucs-là? Donc, est-ce que c'est vrai qu'il faut que ce soit plus gros? Est-ce qu'il y a d'autres limitations? Pourquoi est-ce qu'ils sont placés à des endroits aussi chouettes que Hawaï ou le Chili? Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment mieux? Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions, donc tous les instruments qui servent à faire de l'astronomie. Alors pour le moment, en fait, je vais commencer sur un petit rappel sur le spectre électromagnétique, parce que c'est important quand on fait de l'optique. Donc la lumière, donc les ondes lumineuses, elles sont plus ou moins énergétiques. Il y a une partie qu'on voit, qu'on va appeler la partie visible. Finalement, c'est assez petit. C'est une assez petite bande par rapport à tout ce qu'il y a comme ondes lumineuses qu'on ne voit pas. Donc, bah, par exemple, il y a la bande infrarouge, les ultraviolets, les ondes radio, les rayons X, tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont autour de nous quand même. Donc, dans la partie visible, une différence on va compter en fait ces différences de lumière en fait en longueur d'onde. Donc, c'est une unité qu'on utilise. Et dans le domaine visible, quand on change de longueur d'onde, ça correspond à un changement de couleur. Donc, ce soir, on va surtout parler des instruments, donc télescopes spatial et terrestre, qui observent vraiment les ondes visibles, avec un petit peu autour, c'est-à-dire les ultraviolets, qui sont un peu plus énergétiques que le visible, et les ondes infrarouges, voire micro-ondes, qui sont un peu moins énergétiques que le visible. Mais en fait, on observe le ciel dans absolument toutes les parties du spectre électromagnétique, donc en ondes radio, qui sont beaucoup plus énergétiques que le visible, beaucoup moins énergétiques que le visible, pardon, en rayon X ou en rayon gamma, qui sont beaucoup plus énergétiques que le visible. Donc, le problème, c'est qu'à ce moment-là, en fait, on sort du domaine de ce qu'on appelle l'optique, l'astronomie optique, c'est-à-dire qu'on ne va plus utiliser des miroirs et des lentilles en verre, ils vont utiliser des instruments différents. Par exemple, des antennes pour les ondes radio, comme le grand radiotélescope, le Very Large Array, c'est celui qui est dans le film Contact, là, qu'on passe son temps sur le capot de sa voiture avec son casque, Jodie Foster. Mm-hmm. Tiens d'ailleurs, j'ai noté, oui, il y a deux semaines, on parlait des héroïnes scientifiques, de l'image du scientifique, et ça c'est un film où Jodie Foster a une très bonne image de scientifique et aussi une très bonne image de la femme scientifique, et j'avoue que je l'avais noté. Ouais, c'est vrai, bien vu, le livre est génial, le film est super, voilà. Aussi. Bah, c'est vrai qu'il a été écrit par un scientifique aussi, donc ça aide à avoir une bonne image du scientifique. Ouais, c'est un livre de Carl Sagan au départ. Pourquoi on ne peut pas utiliser de miroir quand c'est des ondes radio, etc.? Alors, bah, c'est différent. Donc, j'allais venir aussi. Donc, après, je vais finir d'abord sur les... On peut aussi, pareil, pour les ondes, les rayons X ou les rayons gamma, en fait. C'est, on va utiliser des détecteurs spécifiques, donc par exemple comme ceux qui sont sur les satellites XMN Newton ou Integral, qui sont deux satellites comme ça que j'ai pris au hasard, mais donc qui ont été envoyés dans l'espace pour observer ces longueurs d'onde particulières. Alors pourquoi est-ce que, donc pour les rayons X et les rayons gamma, c'est juste qu'en fait ces rayons sont, au bout d'un moment, la lumière devient, les photons deviennent trop énergétiques et en fait vont traverser les miroirs. Donc en fait on va utiliser des détecteurs spécifiques qui vont en gros des capteurs en fait, qui vont capter tout simplement quand il y a quelque chose qui traverse profondément le matériau, qui vont détecter, qui vont envoyer des électrons, et donc c'est fait finalement un capteur. Et donc on ne peut pas utiliser de miroir pour ces rayons-là. Pour les radiotélescopes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas détecté? Alors ça c'est un peu plus compliqué, c'est que les longueurs d'onde en fait sont très grandes, alors c'est un peu plus technique. Donc la longueur d'onde c'est donc la description de la lumière en temps qu'onde, donc ça veut dire que quand vous avez une longueur d'onde trop grande, et là pour les ondes radio on est de l'ordre de au-delà du mètre, vers du mètre jusqu'au kilomètre, et donc vous imaginez bien qu'un miroir en fait finalement est trop petit en fait pour une onde qui fait plusieurs fois sa longueur. Et donc, en fait, n'arrive pas à capter... Le miroir est traversé, en fait, aussi par ces ondes-là, mais pour une raison différente. Pas parce que c'est trop énergétique, mais parce que c'est trop grand. Voilà. Et aussi, il y a aussi des télescopes captant d'autres particules que des photons, comme des télescopes à neutrinos, comme ça, bon. Mais donc, tout ça, en fait, c'est des trucs dont on ne va pas parler, donc on va rester à la lumière telle qu'on l'emploie, nous, qui est réfléchie par un miroir, tout simplement. Donc même par rapport à ce que tu nous parlais dans les exoplanètes, c'est qu'une partie des outils qui permettent de détecter les exoplanètes. Dans les exoplanètes, nous, on est plutôt dans ce domaine-là aussi, dans le visible. Aussi, voilà. Alors, c'est des objets assez bizarres hein, qui vont émettre des rayons gamma, c'est des objets très énergétiques, des trous noirs, des étoiles à neutrons, ce genre de choses. Donc, pour tout ce qui est étoile, en fait, on va utiliser le domaine de l'optique un peu autour. Donc, d'accord. Et tout ce qui est micro-ondes, c'est pour le fond diffus cosmologique, par exemple. Donc, l'information importante de la soirée, c'est la différence entre une lunette astronomique et un télescope. Donc, c'est assez simple finalement. C'est deux objets qui ont exactement la même fonction, sauf que dans un cas, on va utiliser une lentille en fait comme optique d'entrée dans l'instrument. Donc, une lentille, c'est un morceau de verre qui va dévier les rayons lumineux et les focaliser sur un point. Tandis que dans le cas du télescope, on va utiliser un miroir. Donc la lunette, c'est un appareil en transmission, la lumière va traverser le verre, tandis que le télescope est un appareil en réflexion, la lumière va être réfléchie sur le miroir. Comment ça marche une lumière, une lunette, ou un télescope d'ailleurs? En fait, c'est, si vous vous rappelez du podcast 159 sur les microscopes, c'est exactement le même principe qu'un microscope, sauf que l'objet, au lieu d'être tout près, bah, il est à l'infini. Mais sinon, c'est exactement le même principe, vous avez deux lentilles, une donc qui va... qu'on appelle l'objectif, qui va focaliser sur un point, et l'autre qui s'appelle l'oculaire, et dont le foyer image va être sur ce point qui avait été focalisé tout à l'heure, et donc qui va permettre de faire le grandissement. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais faire un petit peu d'optique, parce que j'en ai besoin pour expliquer les limitations de ces instruments-là, donc de la lunette. Encore une fois, la seule différence entre un télescope et une lunette, c'est que bah, dans un cas, c'est une lentille, l'objectif, tandis que dans l'autre cas, le télescope, c'est un miroir pour cette lentille-là. Donc un miroir qui permet de focaliser aussi les rayons, un miroir concave. Donc on va faire un truc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la dualité onde-corpuscule. C'est quelque chose qui est assez naturel pour un physicien, mais qui peut paraître un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est le phénomène physique de la lumière, voilà, qui peut être expliqué par deux théories qui paraissent incompatibles, qui est en fait que Isaac Newton, au XVIIe siècle, lui, il a fait beaucoup d'optique géométrique, c'est-à-dire les rayons se transportent dans une direction droite, etc., se rebondissent contre des miroirs. Donc lui, la description, la lumière, c'est un flot de photons qui va en ligne droite, ça lui va bien comme théorie, ça colle bien. Au même moment, il y a Huygens, lui, qui s'amuse à faire des expériences dont on parlera tout à l'heure, et qui s'aperçoit que finalement, ça ressemble beaucoup à une vague, en fait, la lumière. Donc lui, il dit non, la lumière, c'est une onde. Et en fait, au XXe siècle, donc après les travaux d'Albert Einstein et de Louis de Broglie, j'ai réussi à le dire sans dire de Broglie, ils vont dire qu'en fait, tout le monde a gagné, c'est-à-dire que ce qui est assez rare en physique. Mais donc les deux théories marchent, en fait, et finalement, donc ce phénomène physique-là peut être, selon les cas, mieux expliqué par des photons, ou dans d'autres cas, mieux expliqué par des théories... par une théorie ondulatoire. Et en fait, ce que va dire De Broglie, c'est qu'il va étendre cette dualité à toutes les particules. Et c'est pour ça qu'il a eu son prix Nobel, d'ailleurs. C'est qu'il, c'était pour le fait que bah, les électrons, par exemple, ont aussi un caractère ondulatoire. Et donc, en fait, toute particule à la fois, peut être considérée à la fois comme un flot de particules et à la fois comme une onde qui se déplace dans l'espace. Donc, par exemple, deux exemples comme ça de ce switch en fait qu'on fait en physique quand on travaille sur la lumière, c'est-à-dire que des fois on va se dire je vais prendre cette théorie-là parce qu'elle m'arrange mieux, puis des fois on va prendre je vais prendre cette la théorie ondulatoire. Par exemple, ce qu'on appelle la pression de radiation, c'est-à-dire la force qui est communiquée par un flux lumineux sur un objet. C'est une force qui est assez faible, mais par exemple pour les sondes spatiales, quand elles sont pendant très longtemps dans l'espace avec pas d'autre force que le soleil qui leur tape dessus, et bien ça fait des effets sur plusieurs mois, ça fait on sent l'effet de cette pression de radiation. Et donc pour mesurer cet effet-là, c'est vrai qu'il est assez simple de se dire on calcule l'effet que va mettre un photon sur la paroi et puis on multiplie par le nombre de photons. Donc là on a une théorie très corpusculaire. Par contre, pour un phénomène d'interférence, donc là, c'est les phénomènes qu'étudiait Christian Huygens au XVIIe siècle et que on a. Donc c'est assez difficile en fait à concevoir. C'est vrai que ça se voit bien avec des vagues en fait. Vous imaginez deux vagues qui se rencontrent et si vous vous débrouillez pour que le creux de la première tombe dans la vague de la deuxième, et vous allez avoir comme si c'était une mer plate alors que vous avez deux ondes qui apparaissent. Et c'est un peu la même idée avec la lumière, c'est-à-dire que si on fait passer la lumière par deux trous par exemple. On va s'apercevoir que ce qu'il y a dans le plan d'après, si vous mettez un écran après, et ben c'est pas exactement tout blanc. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez effectivement un phénomène d'interférence. Vous allez avoir des endroits où vous allez avoir la somme des deux lumières qui apparaissent, donc deux fois plus de lumière que ce que vous attendez. Et à d'autres endroits, vous allez avoir pas de lumière. Donc on voit bien en fait que c'est de l'optique ondulatoire en fait, et ça montre bien le caractère ondulatoire de la lumière. Donc voilà, maintenant qu'après avoir fait ce petit rappel, donc je vais plusieurs fois switcher comme ça entre les deux, la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire de la lumière. Pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir un grand diamètre de télescope ? Déjà en fait, quand vous avez un grand diamètre de télescope, vous gagnez énormément en surface collectrice de photons. Donc là, je m'adresse à la théorie corpusculaire de la lumière. Vous allez gagner pour un même objet qui émet des photons. Si vous avez un télescope deux fois plus grand, comme le rayon, le diamètre, c'est pi r carré, et vous allez avoir une surface collectrice qui est quatre fois plus importante vous allez capter quatre fois plus de photons pendant le même moment d'observation. Et donc les télescopes les plus grands, qui sont de 8 mètres, etc., captent 64 fois plus de photons qu'un télescope de 1 mètre. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir capter des objets qui sont très très faibles, des galaxies qui sont très très éloignées. Donc c'est assez intéressant, rien que pour ça, c'est intéressant d'avoir des grands télescopes, c'est que vous captez plus de photons. Maintenant, on va passer en théorie ondulatoire. Et donc, il y a un phénomène qui s'appelle la diffraction. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire passer de la lumière par un trou, en fait, chaque point de ce trou va se comporter comme une source secondaire, ce qu'on appelle une source secondaire. Et donc, vous voyez par exemple, là, sur cette photo, que là où j'ai mis la flèche rouge, si les vagues continuaient exactement dans la même direction, vous ne devriez pas avoir de vagues à cet endroit-là, donc derrière le rocher. Et en fait, vous avez des vagues à cet endroit-là parce qu'en fait, on considère que en fait, c'est comme si en fait, le point là, qui était au bout du rocher se mettait à réémettre comme si c'était lui-même une source primaire. Et c'est la même chose pour la lumière. Et ça, en fait, ça fait que vous avez, au lieu de l'image d'un point par un télescope, ce n'est pas un point en fait. C'est une sorte de tache. Donc, je vous ai mis une autre photo aussi dans le dossier. Je ne sais pas si tu peux la mettre. Voilà. Donc voilà, l'image d'un télescope, d'une étoile, donc une source ponctuelle par une ouverture circulaire, c'est donc cette tache qu'on appelle donc la fonction d'étalement du point. Donc ce qui est assez qui pour décrire donne l'allure d'un gros cercle blanc et puis des cercles concentriques voilà. Autour un peu plus clairs. Voilà, mais donc on peut oublier finalement les cercles concentriques autour. Ce qui est vraiment important, c'est que l'image d'un point, finalement, c'est une tache. Donc avec d'autres cercles autour, mais c'est vraiment, c'est étalé. Donc le rayon, en fait, de cette tache, donc là, j'ai mis dans le dossier vraiment l'explication, donc avec tel schéma, etc., mais je pense que là, je vais sauter un peu. C'est pour ceux que ça intéresse, je pense que j'espère l'avoir assez bien décrit. Donc comment est-ce qu'on mesure le rayon de la résolution d'un télescope ? Et bien donc cette tache, en fait, elle a une certaine taille, qui dépend de la taille du télescope. Donc c'est-à-dire que plus le télescope est grand, donc c'est en 1 sur D, c'est-à-dire que plus le télescope est grand, plus cette tâche va être petite. Et donc c'est pour ça qu'en fait on comprend bien que si vous avez deux tâches, donc deux étoiles que vous cherchez à séparer. Vous cherchez, donc c'est ça qu'on appelle la résolution d'un télescope. C'est finalement, je vais mettre deux points et je vais regarder comment est-ce que je peux réussir à les séparer. Si vous voulez voir la résolution de votre œil, par exemple, et bah, vous pouvez essayer de jouer à combien j'ai de doigts avec un ami qui s'éloigne. Et puis, bah, au bout d'un moment, vous aurez la résolution de votre œil. Quand vous pourrez plus savoir s'il y a deux ou un doigt, et bah, ça veut dire que vous avez atteint la limite de votre œil. Donc nous, en fait, on va considérer que donc, tous ces objets sont très très loin. Et donc en fait, on va parler en distance angulaire, plutôt que, c'est-à-dire en fait la distance telle qu'elle nous apparaît dans le ciel. Donc c'est l'angle entre deux étoiles dans le ciel, tout simplement parce que c'est la distance telle qu'elle nous apparaît à nous. Et finalement, la distance entre les deux objets ne veut pas dire grand-chose, parce que ça dépend complètement de la distance de ces deux étoiles par rapport à la Terre. Donc la distance angulaire, en fait, c'est juste tout simplement la distance entre ces deux objets divisée par la distance par rapport à nous. Et c'est un angle. Et c'est un angle, voilà. Donc on compte en degrés. Si on parlait avec des unités un peu bizarres, ça reste un angle. On compte en degrés. Donc ça, en degrés. En seconde d'arc. Voilà, c'est ça. Donc on compte en degrés ou en minute d'arc. Donc à minute d'arc, c'est un 60e de degré. Ça va plaire à Alan. Ou alors en seconde d'arc, donc qui sont à un 60e un 360e de degré. Donc vous utilisez la base 60. Mais après, on repasse en base 10. Donc la milliseconde d'arc, c'est 1 millième de 1/360 de degré. Ça va, Alan? Mais bien sûr, ça va. Ce qui va moins bien pour moi, c'est le 171 au début de l'épisode. Là, j'ai pas très bien compris. Mais autrement, à base 60, non problème, je maîtrise. Ok. Et donc, tout ça pour dire que donc, vous avez ces deux tâches qui diminuent avec la taille de... Voilà. Donc vous prenez deux étoiles et vous demandez... Quelle est la taille, la distance angulaire minimum en dessous de laquelle je ne peux plus les distinguer? Si elles sont trop proches, en fait, au bout d'un moment, je ne vais plus en voir qu'une seule. Encore une fois, c'est comme si vous essayez jouer à combien j'ai de doigts avec un ami, et au bout d'un moment, vous ne verrez plus qu'un seul doigt. Ben là, c'est la même chose. Donc ça, c'est ce qui va définir en fait la résolution de notre télescope. C'est en dessous de quelle finalement distance angulaire entre ces deux étoiles, je n'arrive plus à les distinguer. Et bah en fait on voit bien en fait que comme mes deux étoiles dans l'image de mon télescope ça forme de tâches, si mes deux tâches marchent l'une sur l'autre, et bah au bout d'un moment on va plus voir qu'une seule tâche. Et donc en fait on voit bien que c'est aussi proportionnel finalement à ce 1 sur D qu'on avait tout à l'heure, parce que comme la tâche fait 1 sur D, si vous avez la distance qui est inférieure au rayon, vous allez voir plus qu'une seule tâche, alors qu'en fait vous avez deux. Alors, encore une fois, dans le dossier que je mettrai en ligne, j'ai essayé de plus de développer ça, c'est je pense plus clair, mais sans les formules et sans les images à l'oral, ça sera un peu plus compliqué. Donc voilà, en fait vous avez donc cette résolution qui vaut en fait la longueur d'onde du télescope divisée par la distance. Le diamètre du télescope. Et donc c'est vraiment cette histoire que quand vous avez des deux tâches, quand elles sont confondues entre elles, et vous en voyez plus qu'une seule en fait. Et donc c'est bien pour ça que si vous augmentez le diamètre du télescope, les tâches vont diminuer de taille et donc vous allez pouvoir les séparer. Donc on voit bien pourquoi c'est finalement on va réussir à améliorer la résolution de notre image. Et finalement, même si on n'a qu'un seul objet, si vous observez la Lune, c'est pas juste pour observer les étoiles. Par exemple, si vous observez un cratère sur la Lune, si le rayon du cratère, enfin la taille du cratère est inférieure à votre résolution, vous n'allez pas voir ce cratère-là, vous n'allez pas voir qu'il y a un trou à cet endroit-là, parce que vous n'allez pas réussir à le distinguer. En fait, c'est un peu la même chose que la résolution d'une image numérique. Si vous décrivez, donc vous avez une image numérique, si vous la prenez en 100 pixels par 100 pixels, vous allez avoir accès à des détails, tandis que si vous la prenez en 10 pixels par 10 pixels, donc vous prenez des pixels plus gros, et bien là, vous allez avoir beaucoup moins d'informations, parce qu'en fait, un pixel sera la même chose que 10 moyennera 10 pixels que vous avez avant. Donc en fait, vous allez... c'est exactement la même chose, en fait. La tâche, en fait, c'est votre pixel. Et donc, vous ne pouvez pas descendre, vous ne pouvez pas obtenir d'informations inférieures à cette taille minimum, qui est la tâche que fait votre télescope. Toujours en continuant un peu sur cette analogie du pixel, vous voyez bien en fait que la dernière fois dans le dossier sur les microscopes, on avait pas mal parlé de grossissement, parce que c'est important dans un microscope. C'est beaucoup moins important pour un télescope, parce que encore une fois, c'est un peu comme si vous prenez une image avec une résolution pourrie, vous pouvez toujours la faire grossir, elle sera de plus en plus moche, mais vous obtenirez pas plus d'informations en fait. Donc en fait, il y a une taille maximum, enfin il y a un grossissement au-delà duquel vous obtenez plus d'informations. Donc le grossissement n'est pas très important en fait, et c'est vraiment la taille du télescope qui est importante pour obtenir des images de meilleure qualité. Pour vous donner quelques chiffres sur cette résolution, donc on va commencer par le plus ancien la plus ancienne lunette astronomique, c'est votre œil. Donc la pupille de l'œil, c'est environ 5 mm de diamètre. En lumière visible, donc ça veut dire qu'on va prendre la longueur d'onde, c'est environ 600 nanomètres, pour, bon, ça je vous le dis. Et bah, on a une résolution donc, angulaire qui fait donc, bah, 5 mm, 600 nanomètres divisé par 5 mm, ça fait environ 0,5 minutes d'arc, ce qui fait environ 0,008 degrés. Donc en gros, bah, je vous ai fait le calcul, ça veut dire que si vous avez deux points espacés de 1 mm, vous pouvez les voir à 6 mètres d'écart. Bon, ça c'est vraiment la théorie, c'est si vraiment vous avez une vue absolument parfaite. En vrai, ça sera plutôt 1 ou 2 minutes d'arc, donc ça veut dire que ces deux points qui sont éloignés de 1 mm d'écart, vous pouvez les distinguer à 3 mètres ou à 1 m50. Et ça, c'est si ils sont assez lumineux aussi. Oui, en considérant qu'ils sont assez lumineux pour que vous les voyez. Oui. Enfin, à 6 mètres, normalement, on arrive à voir un ou deux points. Ouais, c'est pas beaucoup d'étoiles à 6 mètres. Et bah pareil, un télescope de 10 mètres. Bah donc là, le télescope, il est 2000 fois plus grand que notre œil. Donc si on se place toujours en lumière visible, bah, il sera capable de voir 0,015 secondes d'arc, donc 2000 fois plus proche. Et donc ça veut dire que ces deux points espacés d'un millimètre, et bah, on pourra les voir à 12 km. Donc là, pour vous donner quand même le pouvoir de séparation qu'on obtient avec ce télescope. Donc de 10 mètres qui sont les plus grands télescopes qu'on a actuellement. Maintenant, on va parler un peu d'histoire, donc l'histoire de la lunette astronomique et l'histoire des télescopes. En fait, on associe souvent la découverte de la lunette à Galilée. En fait, il y a des gens qui avaient déjà inventé des lunettes avant, pas forcément en fait pour regarder les étoiles, tout simplement pour voir loin, même sur Terre. Et donc, il y avait déjà des gens qui avaient développé des lunettes d'approche, comme Giambattista della Porta. Mais en fait, c'est Galilée qui a vraiment eu c'est le premier astronome qui s'est dit en fait, ça serait intéressant de les utiliser pour regarder le ciel. Avant lui, donc c'est parce qu'ils ont été découverts à peu près, c'était à peu près contemporain de lui, et il s'est dit, eh ben, plutôt que de les regarder pour observer loin sur Terre, je vais observer loin dans l'espace. Et le télescope, donc cette lunette astronomique en réflexion, a été. Donc le Galilée, s'il a observé une première observation avec une lunette en 1609, le télescope, c'est un peu plus tard, en 1671, par Newton. Donc l'idée, pareil aussi, avait été inventée un peu avant, mais c'est lui qui a construit le premier prototype. Et donc j'expliquerai pourquoi, mais au début on va plutôt favoriser les lunettes jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc les lunettes qui sont utilisées par Galilée, c'est environ, donc ce diamètre là qui est très important pour les séparations, c'est environ 10 cm. Donc c'est plus gros que notre œil, hein, c'est 5 mm notre œil encore une fois, mais c'est pas beaucoup, c'est 20 fois plus gros que notre œil. Et en fait, pendant donc de la fin du 17e, enfin du début du 17e jusqu'à la fin du 19e, on va avoir une course exponentielle à la lunette pour la faire grossir de plus en plus, jusqu'à la lunette de Yerkes aux États-Unis, donc qui a été développée en 1897 et qui fait 102 cm, donc un peu plus d'un mètre. Et en fait, le problème des lentilles, donc c'est pourquoi est-ce que c'est problématique, c'est qu'on peut pas trop les courber en fait. Si vous les courbez trop, c'est-à-dire que ça va demander en fait que vous leur donnez une forme particulière, très très très très dense au milieu et très très fine sur les bords. Donc en fait, vous êtes obligé de limiter un peu la courbure de la lentille. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Et du coup, ce qui veut dire grande lentille, ça veut dire aussi que la distance entre la lentille et l'endroit où vous allez pouvoir avoir où vous allez focaliser, c'est-à-dire où c'est la distance à l'endroit où vous allez placer votre objectif, et ben votre oculaire, et ben va donc augmenter aussi, parce que vous pouvez pas la réduire complètement, vous pouvez pas diminuer trop cette distance. Et donc ça veut dire que par exemple cette lunette de 1 mètre là, et ben elle faisait 20 mètres de long. Donc ça veut dire que tout ça, faut réussir à la faire entrer dans la coupole aussi. Donc ça veut dire que c'est des objets qui sont de plus grands, de plus en plus lents. Donc la lunette de Yerkes, c'est la plus grande lunette qui a servi à faire de la science, mais c'est pas forcément la plus grande lunette, parce que donc c'était vraiment en plus vraiment idiot, enfin c'était les gens qui s'amusaient à faire la plus grande possible. Et en fait la plus grande, c'était celle qui a été faite pour la grande exposition universelle de 1900 à Paris, un peu comme la tour Eiffel qui a été construite pour 1889, on voyait grand à l'époque pour faire. Donc ce qui était bien, c'est que c'était en plus donc vraiment pour faire de la vulgarisation un peu, l'idée c'était de voir la lune dans son jardin, donc on regardait comme si on y était, etc. Donc pour faire de la vulgarisation, ils ont décidé de construire une lunette donc de 1,25 m de diamètre pour 57 mètres de focale. Donc ça veut dire qu'elle était placée sur le champ de Mars, donc c'est un truc qui faisait 60 mètres de long. comme elle était beaucoup trop grande en fait pour être pointée vers le ciel, donc ils ont inventé un système où ils l'ont mis à plat et ils ont mis un miroir plan devant en fait pour regarder les étoiles et renvoyer la lumière. C'était vraiment pas très pratique en fait, donc un grand miroir devant. C'est pas très loin du procédé. Non, parce qu'en fait le miroir était plan, tandis que le miroir de télescope c'est arrondi. Donc ça veut dire que l'optique qui permettait de focaliser les rayons, c'était toujours une lentille. Mais en fait, il fallait les envoyer, pour les envoyer dans la lentille, on a utilisé un miroir plan qu'on a mis devant. Bon, par contre, il fallait espérer qu'il n'y ait pas le soleil qui passe devant, quoi. Ouais, bah j'imagine, bah du coup, il devait l'utiliser. Enfin, ouais, mais du coup, c'était quand même un peu idiot parce que, bah, c'était vraiment pas très pratique. On a fait très peu de science avec. Et puis, en fait, bah, on l'a mise à la poubelle après l'exposition universelle. Donc, c'était juste pour faire de la vulgarisation, en fait. Donc, je sais pas combien ça a coûté ce truc-là, mais c'était important la vulgarisation scientifique à l'époque. Et on a retrouvé les lentilles d'ailleurs récemment, apparemment on les avait gardées, donc elles sont toujours dans les caves de l'Observatoire de Paris. Donc là on voit que c'était la lunette de trop, là c'était vraiment trop grand et finalement ça servait à rien. Et donc en plus on s'est aperçu que, enfin ça faisait longtemps qu'on le savait en fait, qu'il y avait plusieurs problèmes dans les lunettes astronomiques. Donc déjà en fait, bah, on l'a vu, c'est que vous avez des très grandes longueurs forcément, donc vous voyez, donc la lunette de Yerkes c'était 20 mètres, la lunette de Paris là c'était 50 mètres. Et ensuite, donc, il y a d'autres problèmes. Par exemple, comme tous les instruments en transmission, les couleurs ont tendance un peu à se séparer quand vous passez le vert. Donc, je ne sais pas si vous voyez le prisme de Dark Side of the Moon du disque des Pink Floyd. Et bah, donc, en fait, les couleurs ont tendance à avoir des chemins un peu différents en traversant cette lumière. Et vous avez beaucoup moins. Donc, ça va rajouter des défauts chromatiques qui vont encore dégrader l'image. Vous allez perdre en résolution à cause de ces défauts. Et puis aussi, bah, si la lentille est trop grosse, en fait, comme on peut la tenir que par les côtés de la lentille, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la tenir par le centre, parce que par le centre, c'est là où passe la lumière. Donc comme vous pouvez la tenir par les côtés, et si la lentille est trop grosse, donc là, on commence à avoir la lentille d'un mètre, donc c'est des trucs qui sont un mètre de verre assez épais, ça va commencer à faire des trucs qui sont vraiment épais, en fait, et qui vont se déformer tout seul du fait de la gravité. Et donc, en fait, ça veut dire que vos lentilles sont pas stables du tout, et donc c'est... Donc, pourquoi est-ce qu'on a attendu par si longtemps pour les remplacer par les télescopes ? Parce qu'en fait, les télescopes, donc, eux, c'est des trucs en réflexion, pas en transmission, donc vous avez les effets chromatiques qui sont un peu limités. On peut aussi la tenir sur toute la surface, vous pouvez, parce qu'il n'y a qu'une seule surface qui sert sur un miroir, l'autre côté ça sert à le tenir, donc on peut, donc ça se déforme beaucoup moins. Et puis bah, vous n'avez pas aussi ces déformations, on peut les courber un peu plus, ce qui fait que ça va limiter ces tailles immenses de focales, et puis même en plus c'est que vous avez divisé par deux, parce que ça fait des allers-retours. Donc ça fait des objets aussi qui sont quand même plus petits pour finalement la même... pour le même résultat à la fin. Alors pourquoi est-ce qu'on les a... Alors que ça avait été inventé à peu près au même moment, enfin même pas un siècle plus tard par Newton, pourquoi est-ce qu'on a attendu la fin du 19e siècle pour commencer à construire vraiment beaucoup de miroirs ? Bah, tout simplement en fait parce que les surfaces en fait réfléchissantes n'étaient pas encore au point à l'époque. Donc c'était en fait des miroirs en métal, donc ça fait que ça réfléchissait assez mal. Je sais pas si vous avez déjà, enfin, la galerie des glaces en fait qui vient d'être faite à Versailles, en fait les miroirs c'était pas du tout ceux qu'ils avaient à l'époque. Les miroirs étaient d'assez mauvaise qualité à l'époque. Et en fait en 1857, donc juste avant ces moments où on a commencé à développer ces miroirs, il y a Foucault, donc le physicien, celui qui a fait le pendule de Foucault là, qui a mis en évidence la rotation de la Terre grâce à ça. Enfin, on le savait déjà, mais il l'a définitivement prouvé. Donc il a inventé un procédé qui permet en fait de déposer une couche d'argent sur du verre. Et donc ça veut dire que là on va avoir des miroirs qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc là bah, c'est reparti donc, pour cette sorte de course à l'armement qu'on avait à qui a la plus grosse lunette. Et donc là maintenant c'est qui a le plus gros télescope. Et donc bah, ça va jusqu'à... Donc on est passé très vite observatoire du Mont Wilson en 1920 qui fait 2,54 m. Et puis bah, les derniers c'est le VLT, donc Very Large Telescope, qui fait 8 mètres, donc ça c'est le télescope européen, donc qui est dans le désert d'Atacama au Chili, c'est un grand plateau qui est à 5000 mètres d'altitude au Chili, et le télescope de 10 mètres du Keck, le Keck télescope, donc qui est un télescope américain à Hawaï, au sommet du Mauna Kea, donc à 4000 mètres, quasi 5000 aussi. Voilà, je vous ai mis un peu, je vous ai tracé une figure avec donc l'évolution des lunettes et des télescopes en fonction de l'année. Et en fait, ça colle assez bien si vous tracez une exponentielle. En fait, ça marche très très bien. Donc, je sais pas si est-ce qu'on a la chatroom, sinon vous le verrez dans le dossier. Donc, vous voyez que en fait, il y a vraiment une augmentation exponentielle et ça colle avec les futurs télescopes qui vont arriver dans la décennie d'après. Ça colle aussi à peu près en distance, enfin pour cette courbe exponentielle. La troisième question importante ce soir, donc je vous ai dit que les deux trucs, ils étaient donc les deux des plus gros télescopes actuels sont au Chili et à Hawaï. Pourquoi est-ce qu'on choisit ces positions-là particulièrement? Donc la première et la vraie raison, c'est que les astronomes, comme tout le monde, préfèrent passer leurs vacances à Hawaï plutôt qu'en Sibérie, même quand on leur paye le voyage. Donc là, c'est vrai que c'est pas mal, ça permet qu'on a souvent des voyages. Plus sérieusement, en fait, il y a trois raisons. La première, c'est qu'il faut un lieu avec peu d'humidité, parce que comme ça, ça diminue, en fait, l'humidité va diminuer la transparence du ciel et favoriser l'apparition des nuages. Donc ça, c'est pas mal vrai pour le désert d'Atacama, c'est un peu moins vrai pour Hawaï. Et puis aussi, pas mal lié à ça, il faut qu'il fasse beau le plus souvent possible, parce que chaque nuit, il fait pas beau, bah, c'est une nuit de perdu, donc ça veut dire que les astronomes rentrent chez eux. Et ça arrive qu'il y ait des gens qui ont commandé 10 nuits consécutives et qu'ils ont 10 nuits de mauvais temps et qui, du coup, n'ont pas de données sur l'année parce que il y a d'autres gens qui ont réservé les autres nuits et donc, du coup, ça fait que ça décale. Voilà. Ça, on peut pas trop décaler. Du coup, il y a des gens qui prennent beaucoup de retard parce qu'ils n'ont pas eu de beau temps ce soir-là. Le deuxième, c'est que, on va en parler beaucoup plus après, c'est que l'atmosphère limite la résolution du télescope. Et comme la pression, en fait, diminue en fonction de l'altitude assez vite, et donc en fait, on s'aperçoit qu'en montant seulement quelques kilomètres, on perd beaucoup d'atmosphère. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de mal à respirer dès qu'on monte au-delà de 5000 mètres, on a vraiment du mal à respirer. Et donc, en fait, on s'aperçoit que si on monte de 5 km seulement, donc on enlève déjà un beau paquet de l'atmosphère et ça aide. On avait déjà remarqué ça, en fait, depuis longtemps. Par exemple, l'observatoire du Pic du Midi, qui a été construit dans les années 1870, donc c'était dans les Pyrénées, à 2800 mètres d'altitude. Et la troisième raison, qui était sans doute pas un gros problème dans les années 1870, mais qui est maintenant est primordiale, c'est qu'on doit être le plus loin possible des villes pour se protéger de la pollution lumineuse. Parce que ça devient quelque chose... Enfin, dans les villes, maintenant, on ne voit absolument plus les étoiles. J'ai noté une anecdote, d'ailleurs, sur ce sujet-là. C'était au moment des grandes coupures d'électricité à New York en 2003. Ils ont eu des problèmes de centrale qui a fait qu'il y a eu des grandes coupures immenses dans la ville, sur toute l'électricité. Et il y a beaucoup de gens qui ont appelé la mairie et les pompiers en disant que ils voyaient une lueur dans le ciel un peu étrange. Donc, ils se demandaient si c'était pas des extraterrestres. Et en fait, il s'avérait que c'était la Voie lactée, ce qui était totalement inhabituel. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu la Voie lactée à New York. Enfin, personne n'avait vu la Voie lactée à New York, en fait, parce qu'il y avait beaucoup trop de lumière. Et donc, il réapparaissait dès qu'on coupait l'électricité. Et par contre, là, par rapport à tes exemples, Hawaï, au niveau pollution lumineuse, ça ne doit pas être fantastique. Si, il n'y a quand même pas grand-chose. Il n'y a pas des centres de vacances et compagnie. Déjà, le télescope sont en plein milieu de l'île, tandis que les villes, en fait... Hawaï, donc c'est un volcan, ça monte assez vite. Donc toutes les villes, en fait, sont les bords. Et en plein centre, en fait, vous n'avez rien, parce que ça monte un peu trop abruptement. C'est une île qui doit faire 100 km de diamètre, avec une pointe à... Même pas 100 km, je pense, avec une pointe à 5000 mètres au milieu, quand même. Donc ça monte vite, quoi. Donc, en fait, comme les villes ne sont pas vraiment sur les pointes, vous n'avez vraiment pas grand-chose au centre, à part... Non, il y a un ciel assez beau à Hawaï, pour ça. Et puis aussi, pourquoi Hawaï et le Chili? C'est parce qu'en fait, on voit pas les mêmes étoiles. Si on est comme la Terre tourne selon ses pôles, le pôle Nord voit toujours les mêmes étoiles et le pôle Sud voit toujours les mêmes étoiles. À peu près, hein, vous avez une petite... En fonction de l'hiver et de l'été, vous avez un petit balancement. Mais sinon, vous voyez à peu près toujours les mêmes étoiles en hiver et en été. Et donc, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il fallait un télescope de chaque côté pour pouvoir observer des deux côtés. Il y a un autre lieu aussi qui est de plus en plus envisagé et qui fait vachement moins rêver, c'est la base franco-italienne Concordia, qui se trouve à 3200 mètres d'altitude en Antarctique. Donc on est haut, il fait souvent assez beau, donc il y a pas mal d'humidité, ça gèle sur les télescopes, mais on est très très très loin de toute pollution lumineuse. Et donc il y a des projets d'astronomie qui sont envisagés là-bas. C'est quand même un peu plus violent parce que donc il faut y aller préparer l'instrument pendant qu'il fait jour, parce qu'il fait jour 6 mois par an et nuit 6 mois par an. Et donc un hivernage, ça dure de février à octobre où vous avez totale autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avion qui peut vous ramener s'il y a un problème. Et des records de température à moins 80 degrés, donc c'est de l'astronomie extrême, mais ça commence à se faire, il y a des projets qui veulent faire ça, qui sont assez pris au sérieux pour faire de l'astronomie en Antarctique. Comment gagner encore en résolution? Quelques techniques que je vais décrire. Déjà, je vais décrire le principal problème des télescopes terrestres, c'est l'atmosphère. Donc, pourquoi est-ce que l'atmosphère va limiter la résolution des télescopes? Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc là, on va repasser en théorie corpusculaire de la lumière. Vous avez ce qu'on appelle le front d'onde. Le front d'onde, c'est tous les photons qui ont été émis en même temps par l'étoile, qui arrivent en même temps, voilà. Et puis, bah, là, ils rentrent dans l'atmosphère, et puis, bah, ils vont être un peu retardés par l'atmosphère, certains. Donc, certains vont prendre du retard par rapport à d'autres. Et puis, finalement, ils vont arriver sur le miroir pas exactement au même moment. Donc, en fait, ça veut dire que c'est comme exactement équivalent à si vous aviez pas d'atmosphère, mais un miroir tout cabossé, en fait, avec des trous et des bosses. Et donc ça va avoir comme conséquence d'élargir cette tâche. Donc début, là, que j'ai appelé la fonction d'étalement du point. Donc cette tâche du télescope va être toute déformée avec des traces partout et elle va être élargie. Et donc à cause de cet élargissement, en fait, ça fait que vous allez avoir une résolution qui, au lieu d'être en lambda sur D, donc lambda étant la longueur d'onde et D la taille du télescope, va être en lambda sur R0, donc avec ce R0 qui est un paramètre de Fried. Donc Fried, c'est un physicien qui a beaucoup étudié l'atmosphère, justement. Et donc ce paramètre qui va augmenter, donc devenir de plus en plus grand si vous avez des très bonnes conditions d'observation, et qui va devenir de plus en plus petit si vous avez des petites conditions d'observation. Et donc tout ça pour vous dire que si vous avez des conditions d'observation particulièrement pourries, votre tâche va être très très large, et donc du coup vous allez avoir une résolution pourrie. Et donc tout ça pour dire que même avec des conditions excellentes, en fait, on va avoir ce R0 qui est égal à 20 cm. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous avez un télescope immense et des conditions d'observation parfaites, vous avez toujours l'atmosphère qui va vous limiter la résolution à peu près à la taille de la lunette de Galilée, donc 20 cm. Donc c'est quand même un peu problématique. Donc vous avez toujours l'avantage du nombre de photons collectés, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de lumière quand même si vous avez un télescope immense. Mais vous allez être limité en résolution, c'est-à-dire que si vous observez des planètes, vous allez avoir des images floues, et si vous observez des étoiles doubles, par exemple, vous n'observerez pas les étoiles doubles, vous n'en verrez qu'une seule, vous n'arriverez pas à les séparer. Donc c'est un peu gênant. Donc on a développé ce qu'on appelle l'optique adaptative. Donc l'idée, en fait, c'est que la lumière... j'ai mis un schéma pour essayer d'expliquer. C'est que la lumière, en fait, juste après le télescope, on va l'envoyer sur ce qu'on appelle un miroir déformable. Donc un miroir déformable, c'est un miroir, donc sauf que la partie réfléchissante est très très fine, et en dessous vous mettez des petits actionneurs, donc des petits pics qui vont tirer ou pousser ce miroir-là, et donc vous allez pouvoir lui donner la forme que vous voulez à ce miroir-là. Et ensuite, après ce miroir-là, donc vous allez envoyer la lumière sur ce qu'on appelle une lame séparatrice. Donc une lame séparatrice, c'est quelque chose qui fait passer une certaine partie de la lumière et qui réfléchit l'autre. Donc c'est une lame semi-réfléchissante. Cette lame semi-réfléchissante, par exemple, vous allez garder la lumière que vous voulez regarder, et puis renvoyer la lumière que vous voulez pas regarder. Donc je sais pas, par exemple, si vous observez en infrarouge, vous allez renvoyer la lumière visible, et si vous observez en visible, vous allez renvoyer la lumière infrarouge. Donc la partie que vous voulez pas garder, vous allez l'envoyer sur ce qu'on appelle un analyseur de surface d'onde. Donc ça va permettre d'observer quelles sont les parties, quels sont les photons qui ont du retard, quels sont les photons qui ont de l'avance. Et donc comme ça, vous allez pouvoir dire, ok, mon front d'onde, il est cabossé comme ça. Et donc il suffit d'envoyer ça comme information au miroir déformable et de lui dire, ok, j'ai un front d'onde qui est cabossé comme ça. Est-ce que tu peux te mettre dans la forme de manière à ce que la somme des deux, ça fasse que finalement, il n'y a plus rien. Donc voilà, et puis après, on travaille en boucle fermée. Donc l'analyseur dit très vite, ok, là je vois une déformation qui est comme ça, le miroir se met en position, ça corrige, et l'idée c'est d'aller plus vite que l'atmosphère, donc ça veut dire quelques 100 corrections par seconde, vous avez 100 fois par seconde l'analyseur qui dit j'ai une déformation, le miroir qui se met à corriger, et ça fait qu'à la fin c'est comme si vous aviez quelque chose de très plat au final, et donc dans votre image de science à la fin, et vous allez pouvoir avoir une fonction d'étalement du point qui est plus jolie, qui est plus ronde et qui est plus, et donc gagner en résolution, gagner en netteté pour des objets qui sont proches de nous. Donc ce principe, en fait, ça fait très longtemps, en fait, qu'on s'est aperçu que l'atmosphère pourrissait. Et en fait, le principe de l'optique adaptative a été développé en 1953. Seulement, en fait, ça a été assez compliqué. C'est assez technologiquement compliqué, en fait, de faire des miroirs et de faire des analyseurs de front d'onde. Et en fait, il a fallu attendre quasiment 40 ans, en 1990, pour qu'on ait la première image astronomique qui était limitée par la taille du télescope. C'est-à-dire qui n'était pas limitée par la taille qui n'était pas limitée par l'atmosphère, mais qui était vraiment limitée par la première limitation que je vous ai expliquée, par la taille du télescope. Et c'était seulement 1,52 m, alors l'observatoire de Haute-Provence. Donc c'était la première fois qu'on a réussi, finalement, à utilisé à 1,52 m au maximum de ses capacités, donc pas limité par l'atmosphère. Depuis maintenant, tous les télescopes absolument, donc on s'est bien rendu compte que forcément, c'était... Donc tous les télescopes de plus de quelques mètres sont équipés d'optiques adaptatives. Et donc, pour avoir une bonne estimation pour que l'analyseur de front d'onde marche bien, c'est bien d'utiliser une étoile très brillante. Comme ça, vous avez beaucoup de lumière, vous n'êtes pas limité par le bruit qu'il y a dans tous les détecteurs. Donc vous voulez une étoile très brillante. Donc si l'étoile que vous observez est justement très brillante, ça tombe bien. Comme ça, vous utilisez directement l'étoile que vous observez pour corriger, et donc vous y utilisez... seul problème, c'est que si votre étoile elle est très faible, ou si vous observez une galaxie, par exemple, très éloignée, vous n'avez pas assez de photons pour réussir à vraiment corriger ce que vous voulez. Donc, bah, par exemple, vous allez utiliser une étoile, une de ses voisines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une natural guide star, donc une étoile guide naturelle. Vous allez comprendre pourquoi le naturel après. Donc si elle est suffisamment proche, on se dit que bah, finalement, les photons de l'étoile très très faible que vous voulez observer et de l'étoile brillante que vous allez utiliser pour corriger, les photons, bah, ils sont passés à peu près au même endroit dans l'atmosphère. Donc finalement, c'est un peu pareil de dire qu'ils ont traversé, de corriger en fait. Parce que finalement, c'est ça, vous corrigez pour un chemin qui est passé à côté de ce que vous vouliez vraiment utiliser. Donc on va utiliser cette étoile-là à côté, et donc ça marche assez bien. Et puis si vraiment bah, vous observez dans des endroits où il n'y a vraiment rien, et bah, c'est souvent dans les endroits où on a envie d'observer, parce que ça permet d'avoir beaucoup de... Si vous observez loin de toute source lumineuse, vous n'êtes pas aveuglé par les autres étoiles autour, et donc vous pouvez observer des objets très peu lumineux. Et donc là, on va être obligé en fait, de créer en fait, une étoile lumineuse. Et donc on va utiliser un laser très très puissant. Donc là, par opposition à la Natural Guide Star, c'est une Laser Guide Star, donc une étoile guide laser. Donc c'est un laser en fait, spécial qui va se réfléchir sur les dernières... qui est fait pour se réfléchir sur les dernières couches de l'atmosphère, donc tout en haut. Et donc ça fait comme si ça vous crée une image... Et donc c'est ça que vous allez utiliser pour corriger le chemin. Donc vous la mettez, et puis cet avantage parce que vous pouvez la mettre, cette étoile artificielle, vous pouvez la mettre absolument où vous voulez dans le ciel parce que c'est vous qui compensez. Et donc c'est pour ça que, et puis l'autre avantage aussi, c'est que vous contrôlez la, comme vous avez la bande séparatrice qui vous fait passer une certaine catégorie de lumière ou pas, vous contrôlez aussi la lumière du laser, la couleur du laser. Et donc ça va permettre justement bah, de pouvoir garder toutes les photons de l'étoile qui vous intéresse pour l'image scientifique et d'enlever toute l'image du laser. Vous allez évacuer toutes les photons du laser pour pas qu'ils vous gênent, donc grâce à cette lame séparatrice. Donc ça, c'est assez pratique. Donc tous les télescopes maintenant utilisent, enfin beaucoup de télescopes maintenant utilisent ces étoiles laser, et ça fait il y a une très chouette vidéo que je mettrai dans le dossier où on voit tout, donc un time lapse de tous les télescopes donc qui bougent leur laser en même temps, c'est vraiment très chouette. Et une question là justement, dans ton dossier t'as mis une photo avec, enfin dans la chatroom, pas dans ton dossier, il y a une photo avec deux télescopes qui lancent des lasers, c'est exactement ça? C'est ça en fait, c'est des lasers. Alors pourquoi deux? Bah je vais y venir. C'est ce qu'on appelle l'interférométrie, c'est le chapitre d'après. Mais oui, donc ces deux télescopes qui sont comme ça, bah, c'est qu'ils observent tous les deux en même temps, la même, et qu'ils ont peu... Comme ils ne sont pas exactement à côté, ils considèrent que même s'ils observent la même étoile, la lumière qui leur parvient de l'étoile ne traverse pas exactement le même endroit de l'atmosphère, et donc ils ont besoin tous les deux de faire une correction indépendante. Donc ils utilisent tous les deux une étoile artificielle sur laquelle ils vont se câbler pour réussir à faire la correction qu'ils veulent. Et même, en fait, pour observer les futurs télescopes, si on veut observer plein d'étoiles en même temps, donc ce qu'on fait de l'observation grand champ, donc vous allez avoir envie de corriger une grosse partie de l'atmosphère en même temps, et bien vous allez utiliser 4 lasers en même temps qui partent du même télescope. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver bientôt, dans la décennie prochaine, c'est des télescopes avec plusieurs étoiles laser. Un truc qui est aussi très utilisé pour se débarrasser des problèmes de l'atmosphère, ben c'est les télescopes spatiaux. Ça permet de sortir de l'atmosphère et donc, en fait, dès que vous envoyez un télescope spatial, et ben vous êtes limité que par la taille du télescope, donc, et pas par l'atmosphère. Donc forcément, ils ont des plus petits miroirs, parce que vous ne pouvez pas mettre des trucs de 8 mètres dans une fusée. Quoique, on verra le prochain télescope comment ils ont fait, mais par exemple, Hubble, c'est 2,4 mètres, je crois. Donc c'est beaucoup plus petit que ce qu'on peut avoir sur Terre, mais on sait qu'on n'est pas limité, on sait que s'il y a d'autres avantages aussi, donc vous n'avez pas de problème de beau temps ou de mauvais temps, il fait toujours beau, vous pouvez observer tout le temps parce que vous pouvez passer toujours dos au soleil, comme ça vous avez tout le temps de l'observation que vous voulez. Donc il y a aussi Herschel comme télescope, qui est le télescope européen Herschel, donc lui qui a observé plutôt dans l'infrarouge. Hubble, c'est plutôt le visible et ultraviolet. Et Hubble est très très connu en fait, parce que comme il a pu être entretenu par le shuttle américain, c'est-à-dire qu'il y a des spationautes qui sont allés là-bas en navette, qui l'ont réparé et qui après sont redescendus, et il a subi, je crois, 3 réparations. Donc, et même des remplacements d'instruments, c'est-à-dire qu'on a enlevé des caméras qui ne marchaient plus, on les a remplacées par d'autres caméras. Donc en fait, Hubble a été lancé il y a 24 ans, en 90, et en fait, certains instruments sont encore en service. Donc c'est un instrument avec une longévité exceptionnelle et qui a apporté énormément à l'astronomie. En 2011, donc il y a 3 ans, il passait le cap des 10 000 publications utilisant ces données. Donc c'est sans doute, c'est l'un des instruments les plus prolifiques qui a le plus servi l'astronomie qui ait jamais été fait. Et il avait été prévu pour combien d'années au départ? Alors je peux pas savoir est-ce qu'il comptait le réparer ou pas. Je sais qu'ils l'ont envoyé et qu'il s'était planté sur un truc. Et donc en fait ils l'ont envoyé et au début il marchait pas. Ils avaient, on disait que Hubble était myope parce qu'il s'était planté sur je sais plus quoi exactement, mais ça faisait qu'ils avaient des gros problèmes de netteté. Donc en fait très vite après le lancement ils ont dû aller le réparer. Mais je sais pas s'ils avaient prévu au début de le réparer souvent. Le fait est qu'ils rien que pour rentabiliser en fait la mission ils ont dû aller le réparer rapidement parce qu'ils l'avaient ils avaient fait une erreur au début. Après je sais pas ce qu'ils avaient prévu de le réparer plusieurs fois, mais bon bah c'est. Mais là il commence parce que là il y a plus de navette pour le réparer, donc il commence à fatiguer quand même parce que là il y a beaucoup d'instruments qui sont tombés en panne, mais il y en a encore certains qui marchent. Il y a encore des campagnes d'observation avec Hubble. Et puis il faut aussi parler du fait qu'il y a certaines parties du spectre électromagnétique qui sont complètement absorbées par l'atmosphère, donc qui ne passent pas du tout l'atmosphère. C'est le cas par exemple de l'infrarouge lointain, c'est ça qui est observé par le télescope Herschel. Et donc pour ces domaines-là du spectre électromagnétique, vous avez absolument besoin de sortir de l'atmosphère, sinon vous ne voyez rien, l'atmosphère efface tout. C'est aussi pas mal le cas pour les ultraviolets, c'est comme ça qu'on dit que l'atmosphère nous protège des rayons mauvais du soleil, etc. Parce que vous avez les plus hautes couches de l'atmosphère qui absorbent une bonne partie des ultraviolets. Donc il en reste, c'est pour ça qu'on bronze, mais il y en a quand même un bon paquet qui sont éliminés. Donc pour voir mieux les ultraviolets, il faut être dans l'espace. Tous ces gens qui seraient plus heureux sans atmosphère. Et donc finalement, la dernière technique dont on parle pas mal... et qui est aussi assez intéressante, c'est pour augmenter la résolution. Donc même en imaginant que vous avez corrigé toute l'atmosphère, etc., que vous avez un télescope de 8 mètres, etc., comment est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus grand? C'est que vous allez utiliser simultanément la lumière de plusieurs télescopes et faire ce dont je parlais tout à l'heure, utiliser le fait que vous avez une onde qui arrive à gauche, une onde qui arrive à droite, et les faire interférer toutes les deux. Donc vous allez les faire se rencontrer à un endroit. Donc les faire se réfléchir avec des miroirs, voilà, et puis les faire se rencontrer à un endroit. Et donc en fait, ça fait que, c'est des calculs un peu compliqués d'optique ondulatoire, mais là maintenant la distance qui va limiter, c'est plus le diamètre D du télescope, c'est la base B, donc la distance entre les deux télescopes. Et donc vous allez pouvoir accéder à des détails qui sont de l'ordre de lambda sur B. Donc B étant la distance du télescope et qui peut valoir plusieurs dizaines de mètres. Hein. Donc ça fait d'un coup que vous passez d'un télescope de 8 mètres. Mais alors c'est pas la panacée forcément parce que ça, c'est pas comme si on avait un télescope de plusieurs dizaines de mètres de large. On imagine bien que deux télescopes de 8 mètres éloignés de 30 mètres, c'est pas la même chose qu'un télescope de 30 mètres parce que il manque beaucoup. Ouais, et puis accessoirement la Terre est pas super plate non plus. Donc on est à 30 mètres, je pense que ça limite. Non, 30 mètres, ça va, mais limite je veux dire, pas. Mais on peut pas les mettre non plus à une distance. Non, effectivement, oui, c'est vrai qu'il faut réussir à envoyer ces photons de manière. Enfin, il faut aussi que ça laisse quand même une demi-tonne. Voilà. Mais donc ça va, il y a de la place, en gros ce que vous avez, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle une figure d'interférence, c'est-à-dire des endroits très sombres, des endroits très clairs. Donc vous allez pouvoir accéder à des détails que vous accéderiez pas avec un seul télescope, c'est sûr. Vous allez accéder à des détails qui sont que vous accepteriez cet écart de 30 mètres, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir des belles images non plus d'une galaxie. Donc c'est plus des... En fait, il va falloir commencer à deviner ce que vous ayez en fonction des résultats d'une image incomplète. Voilà, donc ça ne fait pas des belles images, mais c'est quand même une technique très intéressante parce que vous allez pouvoir obtenir des détails que vous n'auriez pas pu obtenir autrement. Parmi les plus gros télescopes interférométriques, le Keck, c'est celui qui était là, je crois, avec les deux lasers là, qui pointent là. Donc ça, c'est deux miroirs de 10 mètres qui peuvent s'éloigner jusqu'à 80 mètres l'un de l'autre, donc qui permettent de faire d'obtenir des très bonnes résolutions sur deux choses. Et le VLT, j'ai mis une photo aussi dans le dossier, c'était la figure 9. Et donc là, c'est 4 télescopes de 8 mètres et 4 télescopes auxiliaires de 1,8 mètres qui peuvent être aussi utilisés pour faire de l'interférométrie, avec une base allant jusqu'à 200 mètres. Donc le VLT, j'ai jamais vu, mais c'est assez impressionnant de voir ces gros machins. C'est, donc ces énormes télescopes, en fait, de 8 mètres, peuvent bouger, en fait, sont montés sur rail et peuvent se déplacer pour s'éloigner ou se rapprocher en fonction des besoins au moment. Donc vous pouvez faire de l'interférométrie avec au maximum 8 télescopes. Et donc vous pouvez obtenir des informations très intéressantes grâce à cela. Donc les futurs télescopes qui arrive. Donc là, c'est la conclusion maintenant qu'on a parlé de l'interférométrie. Donc après le Very Large Telescope, l'Europe va construire le EELT, donc le European Extremely Large Telescope. Donc c'est vrai que c'est pas très original sur les noms, mais... donc qui va faire 40 mètres, lui. Il y a aussi un projet américain qui s'appelle le 30 Meter Telescope, donc à Hawaï. Donc, comme son nom l'indique, 30 Meter, il va faire 30 mètres. Et un projet américain et australien au Chili qui va faire 24,5 mètres, c'est le Giant Magellan Telescope. Donc ça, c'est trois télescopes qui vont arriver. Et en fait, c'est pas possible en fait d'avoir une seule surface de cette taille-là. On sait pas faire des miroirs de 40 mètres de long. Donc en fait, ça va être des télescopes, comme l'était d'ailleurs le miroir du Keck aussi, ça va être segmenté. C'est-à-dire qu'on va mettre plein de petits télescopes de 1,45 m. Par exemple, pour le ELT, donc, qui va faire quasiment 40 mètres, on compte 798 miroirs de 1,45 m de grand. Donc 798 miroirs que vous allez pouvoir coller là, etc. Et qui en plus, à chaque fois, ont des, se modifient en temps réel pour s'adapter à l'atmosphère. Et c'est ça justement qui est intéressant. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir des miroirs segmentés, c'est qu'on peut faire de l'optique adaptative. C'est-à-dire qu'on peut les bouger un par un pour pouvoir essayer... Et chacun n'est pas en optique. C'est comme si c'était un miroir déformable. D'accord. Le seul problème, l'inconvénient par contre, c'est que entre les miroirs, vous allez avoir des trous. Et donc ces trous-là, en fait, des segments, en fait, votre surface est plus continue, tout simplement. Et donc ces discontinuités, ça va vous introduire d'autres aberrations du front d'onde qu'il va falloir corriger après. C'est une sorte de grille de pixels, mais en miroir. C'est ça, ça va donner des patterns, des figures assez caractéristiques, en fait, dans l'image finale qui vous ressemblaient vraiment à... c'est ça, vous allez voir comme si vous aviez mis une grille sur votre télescope, effectivement. Et il y a aussi un télescope qu'on attend beaucoup, c'est le remplaçant Hubble, donc qui va pouvoir prendre sa retraite, Hubble. Donc le remplaçant qui s'appelle le James Webb Space Telescope, donc James Webb qui est un autre très astronome américain, un grand astronome américain aussi. Et donc c'est un véritable monstre qu'ils vont envoyer dans l'espace. Donc c'est 22 mètres de long pour 12 mètres de large. Il est un peu taillé en triangle, un peu genre croiseur impérial dans Star Wars là. Sauf qu'il fait 22 mètres de large et 12 mètres de large. Donc pour vous donner une idée, en fait c'est quasiment un court de tennis. C'est 24 mètres par 11 mètres un court de tennis. Donc c'est plus grand en largeur qu'un court de tennis, c'est quasiment aussi long. Et le miroir, pour qu'il puisse rentrer dans la fusée, en fait ils l'ont aussi segmenté et ils l'ont plié. Donc ils ont fait une sorte de mosaïque avec plein de petits avec 18 segments hexagonaux de quelques mètres, de 1 mètre chacun, je crois. Et en fait, ils ont replié tous ces segments pour qu'à la fin, quand ça se déplie, ça fasse 6,5 mètres. Donc c'est à peu près 3 fois Hubble. Donc ça va être vraiment un miroir de 6,50 m dans l'espace, ça va faire de la très bonne science, sans doute. Et ça devrait voler en 2018. Normalement, oui. À l'origine, il était prévu pour avant 2016, je crois, et donc il a déjà pris plus de 2 ans. Mais il va arriver. Les projets spatiaux prennent toujours du retard, parce que c'est... Et puis d'ailleurs, les projets terrestres aussi. Le IELT sera pas là. Donc là, ils vont essayer de le lancer sans avoir à aller le réparer après, quoi. Oui, alors je sais pas où il sera envoyé, mais il y a des chances qu'il soit envoyé plus loin de la Terre. Déjà, de toute façon, il n'y a plus de navette, donc la question ne se pose même pas. Et puis même, je ne suis pas sûr, en fait, qu'ils l'ont envoyé à un endroit qui soit accessible par l'homme facilement. D'accord. Ce qui était Hubble était sur une orbite assez basse, donc c'était pratique. Mais par exemple, Herschel, on l'a envoyé ce qu'on appelle le point de Lagrange, qui est un point qui est assez loin de nous, un point de stabilité de l'énergie gravitationnelle du Soleil qui est assez loin de nous et qui est Herschel par exemple, on ne peut pas le réparer même si on l'avait voulu. Et pour finir, c'est dommage, je finis sur une note un peu moins positive, c'est qu'on parle beaucoup d'interférométrie spatiale aussi. Donc interférométrie spatiale, c'est que vous combinez le fait que vous êtes dans le spatial avec l'interférométrie, donc ça veut dire une constellation de satellites qui travaillent ensemble. Quand on parle d'hyper-télescope, c'est ce genre de choses. Donc on imagine des distances énormes, des dizaines de kilomètres de distance entre deux miroirs, et puis vous en mettez 5 ou 6, Et donc ça vous fait un télescope où vous pouvez détecter des planètes, Terre, à des millions de kilomètres, etc. Et c'est un projet où il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis. Donc par exemple, la NASA avait ce qu'on appelle le Terrestrial Planet Finder projet, et l'Agence Spatiale Européenne, c'était la mission Darwin, et ça a été un serpent de mer, on en a parlé pendant 20 ans, et en fait on s'est aperçu que c'est trop difficile techniquement, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, le problème de l'interférométrie, c'est que pour que ce soit stable, il faut que les télescopes soient exactement au même endroit et qu'ils ne bougent pas, et donc ça veut dire que sur une distance entre deux vaisseaux, deux vaisseaux spatiaux qui sont éloignés de plusieurs kilomètres, il faudrait les contrôler ces distances-là au micromètre près, Et donc pour le moment, c'est donc les missions Darwin et TPF, là, Terrestrial Pathfinder, donc ont été abandonnées à peu près au même moment quand bah, donc il y a pour le moment il y a des démonstrateurs où ils essaient d'envoyer un satellite et puis enfin un objet oui, un satellite et puis un objet qui le suit, rien que ça en fait, en essayant de conserver une distance fixe, la plus fixe possible, donc un chasseur et un chassé. Et même ça, en fait, c'est déjà compliqué. Donc, il y a déjà il continue à chercher là-dessus, mais c'est encore, pour le moment, c'est encore de la science-fiction. Voilà. Et ce serait pas plus simple d'aller en construire un sur la Lune ? Il y a eu des projets aussi. Ça serait plus simple pour faire ça. Ça serait plus simple parce qu'on pourrait contrôler la distance de manière. Oui, même pour construire un télescope, même comme on a sur Terre. Oui, sur c'est la Lune, voilà. Une atmosphère en moins. Quoi. Donc, il y a eu des instruments optiques qui ont été montés sur la Lune par les Américains pour observer. Bon, après, le spatial humain en ce moment, c'est pas la folie parce que y a la navette qui s'est voilà, ça coûte cher, etc. C'est la crise. Mais les Chinois ont comme objectif à moyen terme de revenir sur la Lune. Et eux, ils ont des sous, contrairement aux Américains. Donc ça va venir possiblement. C'est vrai qu'il y aurait une industrie spatiale humaine qui pourrait revenir sur la Lune. Et donc pourquoi pas effectivement des projets de télescopes. Alors je ne sais pas ce qu'il en est exactement de... D'accord. Pour le moment, mais je sais. Mais bon, ce qui est sûr quasiment, c'est qu'il faudrait une présence humaine pour envoyer ces télescopes-là. Et du coup, c'est pas encore pour tout de suite. Mais effectivement, c'est envisageable. Et on voit là dans la chatroom une image qu'il y a aussi dans ton dossier de XKCD. Ouais. Je vois qu'il y a le Infinite Telescope. C'est pour quand ? Elle m'a fait pas mal rire cette image-là parce que c'est vrai que ce Extremely Large Telescope est quand même vachement ridicule. Et enfin, le Very Large Telescope. Et non, ça m'a bien fait rire la blague d'XCD là. Et puis le dernier, c'est le Final. The Final Telescope. Celui-là, il arrivera jamais. Le Telescope of Devastation Station est aussi vachement sympa. Ok. Voilà. Tu as fini sur le dossier là ? Ouais, j'ai fini sur le dossier. Ok, bah super. On a eu quelques questions dans la chatroom. Alan, tu les reprends ou je les reprends ? On fait à deux. Ouais. Alors, juste pour finir, j'ai conscience que ma partie sur la diffraction, c'était un peu compliqué. Tout simplement parce que je pense que c'est assez dur à expliquer à l'oral. Donc, je vous ai mis des très jolies figures dans le dossier. J'ai passé du temps pour essayer que ça soit. Et j'espère que c'est clair. Si vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je réexpliquerai. Mais vraiment l'idée, c'est que l'image d'une étoile par un télescope, c'est pas un point, c'est une tache. Et donc quand deux tâches, vous pouvez pas les rapprocher infiniment près. Au bout d'un moment, vous allez voir qu'une seule tâche. Deux points, vous pouvez les rapprocher aussi près que vous voulez. Enfin, très très près, vous pourrez toujours les différencier. Deux tâches, si vous les rapprochez trop, vous n'arriverez plus à les différencier. Donc c'est vraiment ça en fait qui fait la limitation du télescope. Mais tout est expliqué dans le dossier. J'espère que vous comprendrez. Ouais, je t'en prie, pardon, je t'ai interrompu. ça roule, merci beaucoup pour la précision. Alors, tout d'abord, je fais un tout petit aparté pour remercier une fois encore Pascal Metz, donc qui chaque jour... dans une innovation par semaine, voire plus. Ouais, c'est ça, exactement. Chaque semaine, il nous met une nouvelle fonctionnalité dans la chatroom. Donc ce soir, il y en a deux nouvelles fonctionnalités, en tout cas pour celles qu'on a décelées. Il y a peut-être des trucs cachés encore que j'ai pas vu. Donc à partir de maintenant, on peut corriger le dernier message en tapant un petit coup sur la flèche du haut sur le clavier. Puis donc voilà, si on a fait une faute de frappe ou écrit n'importe quoi, on peut revenir en arrière d'un message. Et puis l'autre fonction qui nous intéresse maintenant là, c'est que on peut regrouper toutes les questions qui sont adressées à l'invité. Donc il suffit pour ça de mettre le petit code suivant @ps. Et puis poser sa question. Et puis chez nous, elle tombe toute cuite. Pas encore dans le conducteur de la mission, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est super simple de faire un copier-coller. Et puis du coup, voilà, j'ai toutes sortes de questions sous les yeux. Donc d'abord, on avait une question de Maxence qui demandait quand est-ce qu'on a commencé à enregistrer les images des télescopes ? C'est une bonne question, ça. Mais effectivement, pendant très longtemps, on a effectivement observé avec nos yeux. Et c'est que assez récemment qu'on a utilisé des caméras pour le faire. On l'observait puis après on dessinait. Après on l'a fait avec des plaques photos. Il y a eu pendant longtemps on a fait des plaques photos. Il y a même d'ailleurs j'avais lu récemment un truc très rigolo sur les premiers satellites qui donc au moment où il n'y avait pas de caméra numérique du tout. et qui donc prenait une photo en l'air. Alors je crois que c'était surtout pour la Terre qu'il le faisait, hein. C'était surtout des satellites espions. Après, il y avait un système qui développait automatiquement la photo en l'air. Et après, il y avait un autre système qui, par transparence à travers la photo, regardait la luminosité. Est-ce que c'est plus blanc, est-ce que c'est plus noir? Et donc, ça permettait de coder l'image numériquement, qui après était renvoyée sur Terre. Donc ça, c'était quand avant qu'on n'avait pas encore inventé les détecteurs, donc on voyait qu'il y avait des systèmes. Donc pendant très longtemps, on utilisait des plaques photo. J'avoue que le moment où on a passé à la plaque photo, Je pense qu'il parlait même des plaques photo, en fait, à partir de quand... Alors les plaques photo, je pense que c'est assez vieux. Je pense qu'on a des images dès le 19e siècle, on a utilisé des plaques photo pour faire de l'observation, pour garder des images. Okay. Maxence a précisé dans l'intervalle, effectivement, sa question, c'était bien ça. D'accord. C'était quelles sont les plus vieilles photos, en fait? Il y a une vidéo très chouette de Bernard Liot, qui est un observateur, un ancien directeur de l'Observatoire de Paris, et qui a observé la couronne du Soleil. C'est lui qui a développé les instruments pour observer. Et donc, il y a des vidéos de la couronne du Soleil qui datent de 1935. C'est super rigolo en plus parce qu'il parle avec une vieille voix une voix un peu vieillie de speaker. Donc, comme vous pouvez le voir, les colonnes de feu s'élancent dans le ciel. Donc, si vous tapez vidéo coronographe Bernard Liot, vous avez une vidéo d'Alimotion. Donc, vous voyez des très, très vieilles images qui existent. Comment tu écris Bernard Liot? Alors Bernard, B-E-R-N-A-R-D, et Lio, L-Y-O-T. Ok, merci. Je mettrai le lien, si vous voulez, à la fin du dossier. Donc c'est assez vieux, je pense, ouais. Je pense que dès le milieu du 9e siècle, et je dirais dans les années 70, on a l'apparition des premières caméras CCD, donc qui permettent en fait de passer de l'analogique au numérique. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose que vous allez pouvoir enregistrer avec des pixels, voilà. Ok, merci beaucoup. On avait une question après ça de Mika et Damien qui ont demandé, c'était pendant que tu parlais des miroirs, ils demandaient du coup les miroirs, les meilleurs, c'est quoi? Ah, effectivement, alors ça j'avoue que je ne sais pas trop, je sais qu'il y a maintenant des télescopes avec des miroirs liquides, mais alors je ne suis pas du tout spécialiste, ça je ne peux pas répondre, je regarderai si vous voulez. Pour ce qui est des miroirs segmentés ou des miroirs plats, ce que j'expliquais, si on avait pu se passer de miroirs segmentés et qu'on aurait pu faire un télescope de 40 mètres d'une seule pièce, on l'aurait fait, il n'y a pas de doute. C'est quand même plus pratique parce que, bon, effectivement on peut se servir en bougeant les segments pour corriger l'atmosphère, mais finalement c'est plus simple d'utiliser un petit miroir de quelques centimètres qui est à l'intérieur du télescope que de faire bouger tout le télescope d'un coup. Donc c'est parce qu'on ne pouvait pas, en fait, ces segmentations, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Soit dans le spatial parce qu'on était obligé de les plier, soit sur Terre parce que c'est tout simplement pas possible de faire un télescope de 40 mètres, une seule pièce de 40 mètres de diamètre. Je sais pas quels sont les plus grands, à mon avis c'est de l'ordre du mètre ou quelque chose comme... Enfin, de 5-6 mètres, j'imagine, peut-être un peu plus petit. D'ailleurs, oui, c'est sur ma figure. J'ai séparé les télescopes segmentés ou d'une seule pièce. Les derniers télescopes segmentés sont sont quand même vers 8 mètres, ouais. Donc c'est au-delà de 8 mètres, en fait, qu'on est obligé de passer au segmenté. Voilà. Mais donc, oui, pour la réponse, c'est qu'on s'en serait bien passé si on avait pu. Ok. Quelques minutes plus tard, il demandait si c'est ça qu'on appelle un lidar. Je crois que tu es en train de parler de radar. Un lidar, c'est pas ça. C'est un laser, mais c'est un peu le même principe. Voilà, c'était quand tu parlais du laser, tout à fait. Alors, le lidar, je me rappelle plus ce que ça veut dire comme acronyme, mais c'est un peu la même idée, finalement, sauf que c'est un laser qu'on... Donc, c'est pas de l'astronomie, ça. C'est de l'étude de l'atmosphère. C'est quand on va envoyer un laser dans l'espace, et en fonction de la lumière qui nous revient, on va pouvoir en déduire des choses sur ce qui passe au-dessus de nous, comme gaz, si vous avez de la pollution, si vous avez des... Vitesse du vent. Enfin, vous pouvez déduire un tas d'informations. Et finalement, c'est un peu la même idée pour un laser. Sauf que vous envoyez un laser, donc vous n'êtes pas vraiment intéressé par le contenu moins intéressé par le contenu en atomes, enfin en gaz particulier que vous avez. Vous êtes intéressé finalement par la turbulence que vous observez, ce qui n'est pas vraiment le cas du lidar. Le lidar, lui, est plus intéressé au contenu de l'atmosphère qu'à son effet sur la lumière. Donc là, vous avez utilisé un laser que vous savez qu'il se réfléchit sur les dernières couches de l'atmosphère. Tandis que le lidar, vous savez qu'il se réfléchit avec tant de pourcents sur le carbone, avec tant de pourcents sur le machin. Et donc, en l'envoyant dans l'espace et en observant ce qui redescend, vous allez pouvoir en déduire des choses. Donc, c'est pas exactement ça, un lidar, mais c'est un peu la même idée. D'accord. Et puis, on a Axon dans la chatroom qui nous a précisé dans l'intervalle ce que signifie l'acronyme. Donc, c'est pour Light Detection and Ranging. D'accord. Bon, ben merci, je le savais pas. Voilà, Axon toujours qui nous posait une question à 21h50. Il demandait si les limites que tu donnes pour l'interférométrie sont liées à la longueur de cohérence de la source qu'on observe. Je relaie la question comme ça, hein, j'ai rien compris. Alors, c'est une bonne question. Tagadak, je pense pas. Parce qu'en fait, on va considérer que c'est des... Alors, la longueur de... Bon, c'est un peu compliqué, la longueur de cohérence. J'avoue que si vous n'avez pas fait d'optique ondulatoire, je ne sais pas trop comment vous le définir. C'est... En gros, c'est le moment... C'est quelque chose qui va mesurer, en fait, si des photons sont tellement différents que finalement, on va considérer qu'ils sont issus de deux sources. Parce que ce que je vous disais sur l'interférence, donc c'est deux sources qui vont se comporter comme des ondes, et s'additionner ou s'enlever, ça marche que si on est issu d'une même source. Si vous êtes deux photons qui sont issus de deux lampes différentes, vous allez avoir pas d'interférence. C'est une propriété. Donc, est-ce que je pense, mais encore une fois, je mets des guillemets, que la longueur de cohérence est très importante parce que c'est des objets qui sont très très très très loin, les étoiles. Et donc, si vous avez deux photons qui arrivent très très proches, alors qu'on est très très loin, ça veut dire qu'ils ont été émis quasiment exactement au même endroit de l'étoile. Ils ont été émis au même endroit de l'étoile avec exactement le même angle à peu près au même moment. Donc je pense que c'est des trucs qui sont très cohérents, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des interférences assez facilement. Par exemple, pour revenir à cette longueur de cohérence, un laser est extrêmement cohérent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire beaucoup d'interférences avec un laser, parce que c'est quelque chose de très homogène spectralement, tous les photons sont exactement pareils, tandis qu'une source lumineuse, une ampoule, est beaucoup moins cohérente, c'est-à-dire que vous allez très vite en fait avoir des problèmes de où les photons vont plus se reconnaître, vont plus réussir à se parler et à faire des interférences. Donc je sais pas, mais je dirais que la lumière qui vient des étoiles est assez cohérente, du fait que s'ils nous sont parvenus au même moment, alors qu'ils viennent de plusieurs années-lumière, ça veut dire qu'ils sont, sans doute très, très liés ensemble. J'aurais envie de dire ça. Ok, je pense que Axon appréciera. On a une question de Mika et Damien de nouveau qui demandaient si des miroirs parfaits, ça existe. Non. Effectivement, il y a un truc dont j'ai pas du tout parlé, c'est à peu près ce que je fais en fait. Moi, je fais de l'optique adaptative pour corriger des miroirs, parce qu'en fait, ces déformations du front d'onde, elles sont issues de l'atmosphère. Donc, vous avez des problèmes de retard. Mais finalement, si vous avez une bosse dans votre miroir, ça fera à peu près la même chose. Sauf que ça sera des déformations sympas parce que ça va être assez stable. Le miroir va un peu se déformer à cause de la température, mais par rapport à l'atmosphère, c'est super calme. C'est ce qu'on va appeler des déformations statiques ou quasi statiques. C'est toujours la même. Mais vous pouvez pas. Le miroir parfaitement plan n'existe pas. Enfin, vous avez toujours trois atomes de plus d'un côté que de l'autre. Donc ça fait une bosse forcément à un moment. Par exemple, là, les meilleurs miroirs qu'on a envoyés sur la dernière mission européenne qui est partie, qui s'appelle Gaïa, on a envoyé des miroirs qui avaient été extrêmement poncés, etc., qui étaient issus d'années de travail, et je crois qu'ils sont vous avez un écart en écart type sur un miroir qui doit faire 2 mètres par 1 à peu près en ordre de grandeur, vous avez un écart type de 19 nanomètres, donc ça veut dire 19 nanomètres en gros, c'est pas exactement ça, mais en peak to valley, quoi, entre le point le plus haut et le point le plus bas du miroir. Donc ça fait des déformations du front d'onde de 19 nanomètres. Et on n'arrivera pas à descendre en dessous. 19 nanomètres, c'est pas énorme. Hein. La taille de l'actome, c'est 0,1 nanomètre. C'est un angstrom. Donc 19 nanomètres, c'est vous êtes en dessous de là. Vous êtes à peu près à une centaine d'atomes. Hein. Donc vous avez des petits endroits avec un peu plus d'atomes et des endroits avec un peu moins. On n'arrivera pas à descendre en dessous. Et à un moment, on n'arrivera plus à polir les miroirs. Et donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va rajouter une deuxième boucle d'optique adaptative avec un autre miroir qui va essayer de mesurer ces déformations sur le... pas seulement sur le miroir d'ailleurs, sur tout le chemin optique, dès que vous passez une lentille, dès que vous réfléchissez sur un miroir, dès que vous passez, etc., vous ajoutez des déformations, et ça va se voir à la fin. Et donc les télescopes et donc c'est pour ça que par exemple on aura besoin à court terme d'optique adaptative dans l'espace, c'est-à-dire que ça va être, on va envoyer un miroir qu'on sait qu'il est imparfait, et une fois qu'on sera en haut, on va utiliser un miroir déformable pour corriger ce miroir, le premier miroir qu'on a envoyé. Donc l'optique adaptative dans l'espace, ça peut paraître idiot parce qu'on a, enfin, pas idiot, mais paradoxal parce qu'on n'a pas d'atmosphère, mais ça va arriver assez vite, c'est dans les tuyaux. Ok, on a YM dans la chatroom qui nous fait remarquer qu'un miroir électromagnétique, c'est parfait, mais bon, le petit problème, c'est que ça n'existe pas encore. Alors, on a des machins des trucs en transmission, je crois. J'ai entendu parler de ça. En gros, ça fait des cristaux liquides qu'on va utiliser en faisant bouger avec les orienter d'une manière particulière. C'est en train d'être développé. Je crois que pour le moment, ça marche pas trop. Mais ça serait cool parce que ça serait une sorte de miroir déformable très chouette parce qu'on pourrait le déformer très rapidement avec. Et de manière continue. Et de manière assez continue en plus, oui. Parce que c'est pas. Enfin, il y a quand même des problèmes avec ces mécaniques, quoi. Un miroir déformable. Donc vous avez quand même des manières. Vous avez quand même des creux et des bosses de manière mécanique. Donc ça fait plus ou moins des problèmes quand même. C'est continu quand même. Enfin, plus ou moins. C'est-à-dire que vous avez peut-être des petits trous à l'intérieur qui sont formés par les points. Mais les miroirs déformables, maintenant, on sait en faire des continus. Mais c'est quand même pas parfait. Et peut-être ça serait mieux, effectivement, avec ces cristaux liquides. Mais c'est encore au stade juste de développement. Ça, je l'ai entendu parler dans des conférences d'optique. Mais c'est encore loin d'être vendu, je pense. Ok, pour l'anecdote, donc il y a Maxence qui nous fait remarquer, qui trouve l'explication un petit peu capillotractée. Et par rapport à cette problématique-là des miroirs électromagnétiques, et puis Pascal qui demande si, quelque part, au fond, tous les miroirs ne sont pas électromagnétiques. Peut-être t'es pas obligé. Mika et Damien, du coup, ont rebondi. Suite à ta réponse, ils demandent si on fait du coating sur ces miroirs. Oui. Alors le coating, disons qu'il y a des questions renseignées ce soir. Je pense que le coating, c'est ce qu'a inventé Foucault, hein, plus ou moins. C'est-à-dire, c'est de recouvrir par une... Donc peut-être qu'on le recouvre plus par de l'argent maintenant, mais on le recouvre par un autre truc qui fait que ça va devenir très propre. Et en fait, ce qu'on va surtout faire après le coating, et ça j'étais vachement étonné quand je l'ai appris, c'est qu'on va faire du polissage. Et que le polissage, il faut un coup de main qu'un robot n'arrive pas à faire. Donc ça veut dire que les grands miroirs de 8 mètres, c'est des mecs qui se les ont coltinés. à la main, donc avec une certaine vitesse de poignée, etc., qui apparemment n'est pas très bien imitable par un robot. Et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de polissage pour arriver à des miroirs très, très, très, très plats. Et ça, c'est encore fait à la main pour le moment. Donc polisseur de miroirs de télescope reste exactement. Un métier d'avenir. Oui, sans doute, oui. Alors je crois que c'est un métier qui se perd un peu, mais enfin malheureusement parce que c'est encore incroyable. Ça va, on a encore beaucoup de miroirs qui vont venir et donc il va en falloir encore, oui. Du coup, Mika et Damien, décidément très inspirés, demandent « Mais comment est-ce qu'on fait un miroir électromagnétique ?» Dans l'idée, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là. Moi, j'aurais envie de dire, c'est vous avez des cristaux liquides, que vous avez donc quelque chose en fait dont on va pouvoir... comment je ferais ça, moi? Je suis peut-être embarqué dans un truc que je ne peux pas expliquer. Hein. Mais dans l'idée, je pense que c'est des machins que vous arrivez à orienter dans une direction ou dans l'autre avec un champ magnétique et qui, du coup, vont avoir des propriétés de réflexion différentes s'ils sont dans un sens ou dans l'autre. Ce qui ferait des miroirs déformables particulièrement intéressants. C'est peut-être, du coup, une grosse connerie ce que je viens de raconter. C'est une grosse connerie bien racontée, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est très bien. Ça passait bien, ça avait l'air vrai. Ouais, t'avais l'air assez sûr de toi. C'est ce qui compte, en fait. Sinon, Axon est très satisfait de la réponse que tu as donnée tout à l'heure, mais il précise quand même qu'il va se renseigner un petit peu plus en détail. Bah, il ferait bien, oui. S'il peut mettre la vraie réponse, si c'est une connerie, en commentaire, ça serait chouette aussi. Comme ça, j'apprendrai des choses et il n'y aura pas trop de conneries dites dans l'émission. Ok, ça marche. Axon, d'ailleurs, faisait remarquer, pendant que je chambrais mon ami Tup dans la chatroom en disant « Ah, c'est matheux, toujours l'esprit pratique, il parle d'aller installer un télescope sur la Lune ». En disant tiens, ce serait pas plus simple d'installer un télescope sur la Lune. Attends, c'était pas plus simple par rapport à installer trois télescopes qui doivent pas se décaler de plus de quelques microns. Hein. Ouais, ça se vaut sans doute. C'est un peu entre le grand mousse et suivi par des canards, quoi. Tu commences à avoir un petit peu l'esprit pratique. C'est pas mal. Tu progresses, on attend qu'il y ait des progrès. Axon disait en fait que c'était pas si con que ça. Attends, j'ai perdu la réponse. Voilà, il disait que ça résout peut-être les problèmes de stabilité de la position des interféromètres. De quoi? De le faire sur la Lune? Ouais. Oui, effectivement, il faut que ce soit très stable aussi sur Terre, mais c'est pas trop un problème de stabiliser les télescopes sur Terre. Et donc sur la Lune, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit différent. À partir du moment où on est tous les deux télescopes sont attachés à la Lune. Sinon, on fait un compromis, on a un sur Terre, l'autre sur la Lune. Et on compare, voilà. Il faut envoyer la lumière quand même, parce qu'il faut que ça soit la même lumière à la fin qui interfère. Ouais, ouais. Donc on peut pas juste, c'est pas l'information numérique qu'on envoie là, c'est vraiment les photons qu'il faut envoyer, donc ça devient compliqué quand même. Mais ok, on a GLaDOS autrement qui demande, et si on envoyait carrément un télescope hors du système solaire ou au bord du système solaire? Ben, on a eu un petit télescope, il y a eu Voyageur qui a Il y a Voyageur qui est envoyé et qui prend des photos toujours et qui communique avec nous. Est-ce qu'on a d'autres exemples? À la limite, on pourrait imaginer un petit machin avec une... Alors, est-ce que ça a vraiment un intérêt, quand t'es sorti de l'atmosphère, de t'éloigner encore plus de la Terre ? Enfin, je veux dire, entre être genre au niveau de Hubble ou au niveau de la sortie du système solaire, est-ce que ça a un vrai intérêt pour observer ce qui est hors du système solaire ? Oui, je pense, parce que le problème d'être autour de la Terre, c'est que tu tournes autour de la Terre, donc ça veut dire que bah, périodiquement, par exemple, tu vas repasser au niveau du Soleil. Donc, je pense que c'est plutôt des niveaux d'orbite que tu peux avoir envie d'aller. On va continuer à tourner autour du Soleil, de toute façon, avant. Oui, mais c'est la même chose de tourner autour du Soleil et de tourner autour de la Terre. Si tu tournes autour du Soleil, tu peux toujours être dos au Soleil assez facilement. Si tu tournes autour de la Terre, en fonction des saisons, tu vas te retrouver des fois face, des fois dos. Donc, c'est pour ça que certains télescopes, par exemple, JWST, oui, il faut qu'il montre toujours la même face. Il a des refroidisseurs. Toute la partie là, triangulaire en bas, c'est des radiateurs, en fait, des différentes couches de radiateurs qui sont censées toujours être orientées face au soleil pour évacuer la chaleur du soleil et garder les instruments bien au frais. D'accord. Au-dessus. Donc, il y a un avantage à s'éloigner un peu de la Terre, de ne pas être en orbite terrestre. Après, s'éloigner encore, pas sûr. Non, parce que... nous disent que le point de Lagrange suffit. Voilà, le point de Lagrange, c'est ce dont je parlais. C'est un point qui n'est pas en orbite de la Terre et qui est assez stable. Donc, c'est en gros le point de Lagrange de deux objets qui nous attirent. C'est le point où on reçoit exactement la même force gravitationnelle de l'un des objets et de l'autre. Donc il y a plusieurs points de Lagrange, il y a celui qui est exactement sur la ligne entre les deux, et puis vous voyez que si vous avez un triangle comme ça, vous avez des points qui sont éloignés comme ça des deux sur les côtés, ça fait des points stables, etc. Donc c'est là qu'on les envoie. C'est pas une ligne. Pardon ? C'est pas une ligne. Alors je l'ai su pourquoi c'était pas une ligne. Je me suis souvent posé la question parce que j'avais envie de me dire c'est une ligne, c'est toute la ligne qui est équidistante des deux. Et alors il y a une raison. J'ai déjà cherché, je me suis déjà posé la question. D'accord. Donc c'est pas une ligne. Donc il y a 5 points de Lagrange, 3 qu'on comprend bien qui sont soit un entre les deux, soit un qui est de l'autre côté de la planète, par exemple toujours à l'opposé du Soleil, mais celui-là il est instable, ou alors de l'autre côté du Soleil, mais celui-là il est aussi instable. C'est-à-dire que en gros c'est quand vos 3 trucs sont alignés, là vous avez des points. Et alors pourquoi c'est pourquoi c'est pas une ligne ? Bon, ça, je sais pas. Bien, on fera un dossier. Donc voilà, donc il y a des trucs qui sont envoyés à cet endroit-là. C'est le cas de Herschel, c'est le cas de Planck, qui ont été envoyés tous les deux ensemble dans la même fusée au point de Lagrange. Après, aller plus loin, le problème c'est que le Soleil, on n'a pas envie qu'il nous chauffe trop, mais on a quand même envie qu'il nous donne de l'électricité aussi. Donc si on va trop loin, on n'a plus l'énergie du Soleil, et ça va vite, hein, parce que ça, c'est l'énergie du Soleil finalement qu'il émet, il émet sur une sphère, donc ça veut dire que si on double la distance, c'est comme pour les télescopes tout à l'heure, on perd 4 fois d'énergie. Non pardon, c'est au cube en plus, c'est sur une sphère. C'est la surface de la sphère, c'est 4 pi r carré. Donc quand vous doublez la distance, vous perdez 2 fois de l'énergie. Si vous multipliez par 8 la distance, vous perdez 64 fois de l'énergie. Donc en gros, vous avez plus d'énergie dans les panneaux solaires. Donc c'est gênant de s'éloigner trop. Après, on peut mettre du nucléaire, etc. Mais on gagne pas forcément pour faire de l'observation. Non. C'est pas forcément très intéressant. Ok. On avait encore quelques commentaires dans la chatroom, mais je pense qu'on va abréger parce qu'il y en avait pas mal. Peut-être juste relever que GLaDOS nous disait qu'après tout, son histoire de bord du système solaire, c'est peut-être pas terrible à cause de la poussière qui s'y trouve. Et puis Mika et Damien qui font remarquer qu'on ne voit pas le triangle que tu faisais avec tes doigts à l'audio. Mais qu'ils l'ont entendu. Regardez les croiseurs interstellaires. Moi, ça m'a fait vraiment penser à ça. Mais... Parfait. Bah, écoute, un tout grand merci. C'était vraiment passionnant. D'après ce que je comprends, donc, tu restes disponible si on a d'autres questions par commentaire interposé. Après coup, une fois que ton dossier sera en ligne, c'est ça ? Voilà, très bien. Si ça, je serais très heureux de vous répondre. Et puis, si j'ai dit des bêtises, ça évitera qu'elle reste en ligne impunie. Merveilleux. Dictatup, t'enchaînes ? Ben on va passer à la quote. Tu nous as ramené une quote ? Ouais. Alors, je te l'ai envoyé par mail. Ah, ça parle de télescope. C'est une quote un peu ironique. Hein. Donc, « Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes, biology is about microscopes, or chemistry is about beakers and test tubes. Science is not about tools, it is about how we use them and what we find out when we do. » Donc, je ne sais pas si je la traduis. Donc, l'anglais était très bien, mais je pense que tu peux la traduire. Donc, l'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie et la science des télescopes, la biologie, la science des microscopes, la chimie, la science des... Alors, je sais pas ce que ça veut dire, beakers, on va dire que c'est un bécher, je pense, ouais. Bécher ou des éprouvettes. La science, c'est pas, j'ai à propos des outils, la science, c'est comment on les utilise et qu'est-ce qu'on fait quand on les utilise. Non, qu'est-ce qu'on trouve quand on les utilise ? Et c'est quand même une citation un peu ironique parce que comparer un télescope ou un microscope, enfin, il y a déjà eu un truc sur les microscopes et qu'on voit que c'est quand même des centenaires de recherches scientifiques, c'est des instruments extrêmement, des instruments vraiment très complexes de plus en plus. Et donc comparer ça à des éprouvettes, je trouve que c'est quand même un peu dur. Te lance pas là-dedans, parce qu'il y a quand même de la technologie. Il y a quand même de la technologie, mais enfin dire que l'astronomie est aussi la science des télescopes et que l'instrumentation fait partie intégrante de l'astronomie. Si on n'a pas des instruments performants, on n'observe rien du tout. Donc effectivement, l'astronomie c'est aussi la science des étoiles, donc ce qu'on observe avec ces télescopes, mais pour moi il y a... Bon, je suis instrumentaliste, hein, donc je prêche un peu pour ma chapelle, mais il y a quand même un truc assez important dans l'astronomie qui pour moi est le développement d'instruments de plus en plus performants pour que les autres gens puissent avoir des données toutes fraîches, toutes belles. Bon, on a tous les scientifiques dans la chatroom qui se servent d'outils dans leur quotidien, qui s'indignent. Voilà, sans outils on ferait rien, sans tous les instruments on ne ferait rien. La citation à l'origine a été dite par ce mec-là pour dire que je pense que c'était quelqu'un qui avait dû être énervé qu'on lui dise t'es informaticien, ah bah tu vas pouvoir aider ma grand-mère à réparer Windows. Je le comprends si c'est ça. Et donc je pense qu'il a voulu dire que la science informatique était beaucoup plus que juste la science des ordinateurs, et c'est sans doute vrai. C'est mignon, scientifique, et qui a besoin d'outils pour travailler. On a Axon qui nous dit qu'il est d'accord avec la quote, même si les instruments sont évidemment importants, ce sont seulement les moyens et pas le but. Bon, moi je suis pas trop d'accord, mais bon. C'est beau, il y a débat. Il y a de quoi méditer jusqu'à la semaine prochaine. C'est ça. Bon, bah, on va passer à une demande solennelle. Johan, on a déjà une responsable infiniment petite, on voulait savoir si tu voulais nous rejoindre pour nous reparler d'espace. Eh ben, ça sera avec plaisir. Donc là, je l'avais déjà dit la dernière fois, je suis toujours en train de rédiger ma thèse. Enfin, la dernière fois, j'étais pas vraiment là, je suis vraiment dedans, là, tous les jours. Donc, quand j'aurai fini cette formalité, ça sera avec plaisir et je serai très heureux de rejoindre l'équipe, donc d'ici quelques mois. Et ben, voilà. Okay. C'est merveilleux, ça. Donc, l'équipe compte un nouveau membre dès la rentrée, c'est ça ? Bah, voilà, peut-être. Alors, je sais pas comment ça sera exactement. Dans 2 mois, si j'ai bien compris. Est-ce que dès que j'ai fini de rendre le manuscrit, est-ce que c'est dès que je serai docteur ? Donc, ça sera plutôt vers septembre. Donc, je verrai à peu près au même moment, mais peut-être ou tout simplement une rentrée progressive de plus en plus, on verra. Mais ouais, je serai intéressé. Merveilleux. Bah, écoute, bienvenue, c'est super. Ça fait super plaisir. Ah, merci de m'accueillir. On va encore voir des étoiles, ça va être cool. Tu voulais rajouter quelque chose, Alan, ou on passe au pitch ? Passons au pitch. Alors, la semaine prochaine, c'est une émission freestyle. Donc, pour rappel, c'est des émissions un peu plus light où on fait des retours sur les dossiers précédents. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter tous ces épisodes précédents, à nous faire des retours et à participer pour la dernière semaine au quiz du mois, parce qu'il y aura une réponse la semaine prochaine. Tadam ! Quiz du mois qui est est-ce que le test de l'aimant est valable pour savoir si une casserole fonctionne sur une plaque à induction, c'est-à-dire est-ce que si un aimant colle sur une casserole, ça permet de dire qu'il va fonctionner sur une plaque à induction. Ok, mais on aura vraiment la réponse cette fois, tu vas pas de nouveau repousser. Non, j'ai pas repoussé là, c'est un freestyle. Ça va, j'ai repoussé une semaine. C'est bon. J'ai pas repoussé, c'est Joanne qui voulait à tout prix passer cette semaine. Tout non, ça. Non, je parlais pas de ça, je parlais de la réponse au quiz que t'aurais dû rendre il y a déjà un temps. Je me suis jamais engagé, mais j'ai fait des tests, tout. Non, oui, on va tâcher de faire la réponse la semaine prochaine. J'ai commencé à avoir pas mal d'éléments, tout ça. Merveilleux. Je crois que c'est tout, on n'a pas de plug cette semaine. Si, on a un plug. Plug pour le premier anniversaire. La première conférence de Podcast Suisse. Donc Podcast Suisse, c'est ce collectif qui regroupe les meilleurs podcasts de Suisse, dont évidemment le meilleur podcast de l'internet mondial français francophone. Ouais, c'est ça, ouais, les meilleurs podcasts francophones, allons-y clairement, on va pas perdre les mots. Donc Podcast Suisse fête sa première année d'existence pour marquer cet événement, notre Xavier National organise rien de moins qu'une conférence. Nous aurons la chance d'être accueillis par le G60 à Lausanne, un haut lieu créatif. Donc il y aura un thème qui a été choisi, qui sera traité selon plusieurs points de vue. Le thème sera la radio. Cette première conférence, on vous propose une réflexion sur ce sujet qui sera vue sous l'angle des relations internationales avec Ruxandra, de la science avec votre serviteur ex-dictateur, du voyage avec Jonathan de VoyageCast, de la tech avec Ben de NipTech, enfin de l'empire NipCast aujourd'hui, devrais-je dire, des ventes avec Mike de NipSales, du design avec Dom de PodSource, de l'histoire avec nos nouveaux amis d'InfoClio. Donc vous l'aurez compris, c'est par les perspectives et l'expertise, la phrase de Xavier, des podcasteurs que nous allons explorer cette thématique. Alors quand ou combien quoi, ce sera le samedi 3 mai à 19h à Lausanne et c'est gratuit. À réserver la date. Et puis, j'en profite pour passer que j'ai toujours besoin d'un petit transistor AM pour faire une démonstration justement sur la radio. Alors, à votre bon cœur, monsieur, dame, si vous êtes dans la région de Lausanne et que vous avez ça sous la main, ça m'arrangerait bien. Je le rends intact après, c'est promis. Je vais pas le démonter. Ou si je le démonte, je le remonte. C'est promis. Mais ça se fabrique, ça, non ? Be my guest. Il me semble que tu as un peu de temps libre, d'ailleurs, en ce moment. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est un peu ça. Tiens, et ça me fait penser au niveau des petites annonces. On rappelle, parce qu'en plus, il y a un freestyle qui arrive. On n'a toujours pas reçu le Minitel qui permet de tweeter pour Robin. Ouais, c'est un peu triste. Au palais de la découverte, donc il est assez triste. On attend toujours, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il n'était pas là, d'ailleurs, ce soir. Voilà. Il pleure. Il passe sa vie à pleurer. Très bien. L'anniversaire de Podcast Suisse, on n'arrête pas le progrès. On conclut ? Bah, concluons joyeusement, ouais. Alors, merci d'être là. Comme d'hab, balancez votre amour sur tous les réseaux sociaux. C'est un ordre. On attend vos commentaires sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud. Je vais pas faire la prononciation comme Irène. Hein. SoundCloud, y a quoi d'autre ? Bref, sur tout l'Internet mondial. Et merci encore à Johan pour le dossier de ce soir. Merci au Dictatup pour faire tenir la baraque. À Julie pour le boulot de l'ombre, à Pascal pour les merveilles qu'il nous rajoute chaque semaine dans la chatroom. Bien sûr, merci aux aficionados de la chatroom et à tous nos poditeurs et poditrices adorés, fidèles au poste chaque semaine. Et on se retrouve le mercredi 23 avril à 20h30 sur live.podcastscience.fm pour un épisode freestyle. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. Ah, faut qu'on crache un peu sur Tintin aussi, on a oublié. Ah oui, faut qu'on crache sur Tintin en fait. Tu es au courant de ça, la lunette de Yerkes là que j'ai mis sur le truc là, donc cette jolie lunette, je sais pas si elle te dit quelque chose en fait, mais c'est exactement la même qu'il y a dans. Bah, maintenant que tu le dis, celle où il parle. Dans l'étoile mystérieuse. Ouais. Et. De l'araignée. Mais oui, c'est ça, voilà. Et donc c'est exactement la même lunette. Et en fait, il y en a un autre aussi, il y a un télescope, donc je crois que c'est celui du Mont Wilson ou de Palomar, je ne me souviens plus. Et je t'enverrai les images du coup en message privé, parce que je n'ai pas le droit de les envoyer. Mais... Donc en fait, tu t'aperçois qu'Hergé a recopié des télescopes et des lunettes pour faire une exactitude scientifique, mais c'est au boulon près, c'est vraiment incroyable. Quand tu regardes l'image, tu vois le microphone qu'il utilise, c'est le même, etc. Enfin, et du coup, j'ai demandé aux éditions Moulinsart si je pouvais utiliser trois images de sur deux albums différents. Et donc, ils m'ont fait... ils m'envoient un questionnaire avec tout ce que je compte faire, etc. Donc voilà, je leur dis. Puis à la fin, est-ce que vous êtes assujetti à la TVA ? Quels sont des moyens ? Est-ce que je dois savoir quelque chose vis-à-vis du paiement, d'autres informations relatives au paiement ? Donc là, je me dis, je leur dis quand même qu'on n'a pas de sous, il n'y a pas de pub sur le podcast, donc normalement, je leur dis pas comme ça, mais j'aimerais bien que ce soit gratuit. Et donc après, ils m'envoient un mail en me disant, comme vous avez un projet scientifique effectivement assez altruiste, on va vous faire une réduction de 20%, donc ça fera 350€ pour utiliser 3 cases de Tintin. Pendant 2 ans, limité à 2 ans. Après 2 ans, tu dois retirer l'image. ou repayer. Et après, je leur répète que c'est plus sans doute plus que le budget annuel du podcast, donc ça va être possible. Et là, ils me font, ok, monsieur Mazoyer, on va vous faire une réduction, je vous fais 50%, donc ça fait plus que 250 euros. Voilà. Donc il n'y aura pas de RG dans le dossier. Voilà, mais c'est dommage parce que. Appliquer un truc qui existait. Mais non, mais tout simplement, je pense qu'en plus, c'est intéressant pour RG. Je ne sais même pas si RG était comme ça, c'est ses héritiers qui sont répliqués en fait. Du coup, il n'y a qu'à mettre l'image qu'RG a copiée, et puis celle-là, elle est libre de droit, j'imagine, depuis le temps en plus. Et par contre, le mec d'XKCD, t'as répondu ou tu lui avais pas demandé? Je t'ai regardé sur le site, ils disent si vous n'êtes pas à but lucratif, c'est même pas la peine de demander, mettez juste la source. On voit la différence quand même entre RG et XKCD. Hein. Il dit si c'est à but lucratif, envoyez-moi un mail, mais normalement ça sera oui. Yeah, c'est bon. Vous avez vu que ce mec-là, là, il a expliqué la faille, la SSL qu'il y a eu? Ah, j'ai pas vu, je regarde pas souvent, mais j'aime bien quand on regarde de temps en temps. Putain, mais il l'a expliqué, c'est limpide, alors que tout le monde a essayé de te l'expliquer, tu comprenais rien, et là, c'est mais limpide. Et en fait, c'est une faille, mais c'est bête comme chou comme truc, quoi. En gros, dans le système, il y a un truc où, pour tester si un serveur fonctionne, tu lui envoies un mot et il te répond le même mot. Et pour ça, tu lui dis, bon, là, je t'envoie Toto, ça fait 4 lettres. Et il te renvoie 4 lettres, Toto. Et la faille, c'est que tu peux lui dire, tiens, je t'envoie un mot, c'est Toto. Mais en fait, ce mot, il fait 64 000 lettres. Et ce couillon te renvoie les 64 000 premiers caractères de cette mémoire. Dont les mots de passe précédents et compagnie. C'est pas mal comme faille. Ouais, non, c'est cool. Et puis, alors, merci XKCD, parce que c'est vrai que j'avais pas compris l'explication. T'as vu comme c'est simple, quoi. Ah ouais.